Alerte rouge, alerte rouge. La base de données virale a été mise à jour. Pour fêter le début de la vaccination et la réouverture des bars sous la pluie, toute l'équipe s'est motivée pour vous faire un épisode cramoisi. J'ai bien dit cramoisi, hein, pas moisi. Ce soir, on vous parle de sang, de plantes qui voient rouge, de lait à la fraise, de terre rouge, brûlée, au vent, bref, de géologie, de la couleur reine de l'univers, de psychologie, bref, un épisode flamboyant qui vous fera rugir comme une tomate, mais de plaisir, on l'espère. Nous sommes le mercredi 19 mai 2021, vous écoutez l'épisode 449, bienvenue sur Podcast Science. Ce soir, nous avons du beau monde, puisque nous avons Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde. Nous avons Irène depuis la Corse. Bonsoir tout le monde. Cléora depuis Perduville. Hello à tous. Pierre depuis Paris. Salut. Joanne depuis Paris aussi. Bonsoir à tous. Et Pascal à la technique depuis l'Alsace. Et sans plus attendre... Pardon. Sans plus attendre, Alexa va nous commencer cette émission sur le rouge en nous parlant des sols tropicaux. Voilà, car n'en déplaise à Topo, je vais parler de géologie. Nous allons avoir pas mal de géologie ces prochains temps dans le podcast. Alors, oui, puisque moi, comme je suis géologue refoulée, quand on me parle de rouge, je pense à des roches, je pense à des sols, je pense à tout ce genre de trucs. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des sols rouges tropicaux. Parce que, en fait, ce sont des sols qu'on retrouve dans beaucoup de régions tropicales. Visualisez, par exemple, un village d'Afrique centrale. Vous avez sûrement en tête la jungle, etc., mais aussi les maisons en briques rouges et le sol des routes qui est de couleur orangée. Toutes ces routes en terre sont un peu de cette couleur-là. Pensez maintenant à l'Amazonie et aux parties que la végétation laisse à nu là-bas. Là aussi, vous avez sûrement en tête de la terre rouge, souvent un petit peu détrempée même. Allons maintenant ailleurs, à l'autre bout du monde, en Inde, dans la région du Malabar. Là-bas, comme en Afrique centrale d'ailleurs, les maisons sont construites en briques de terre locale qui leur donnent une couleur rouge et les routes et les chemins qu'on voit aussi dans cette région sont tout à fait rouges. Amérique du Sud, Afrique, Asie et même Australie, ces terres rouges semblent se retrouver partout alors même que ces régions du globe sont très très différentes. Elles ont même d'ailleurs le même nom, on appelle ces sols des latérites ou des sols latéritiques. Et en fait, ces sols recouvrent 40% des terres émergées dans les régions tropicales et intertropicales. Donc c'est absolument énorme. Si on prend une carte, vous imaginez toute une bande là autour de l'équateur et vous avez ces sols rouges qu'on retrouve dans plein d'endroits. Mais pourtant, lorsqu'on regarde ou qu'on imagine ces régions sur le globe, on se rend compte qu'elles n'ont pas du tout la même origine géologique, ni le même âge d'ailleurs, ni les mêmes roches qui les composent au départ si on va s'y promener et qu'on regarde les types de roches qu'on retrouve au-dessus de ces routes et de ces sols rouges. Donc on peut donc se demander, étant donné que les sols proviennent souvent des roches et aussi évidemment de la biomasse, mais en partie des roches, on pourrait se demander d'où provient cette terre rouge qu'on retrouve finalement absolument partout dans des zones qui ont des histoires géologiques différentes. En Inde, ces terres, par exemple, se trouvent dans une région granitique qui est plutôt riche en silice, donc. En Nouvelle-Calédonie, il s'agit de roches du manteau supérieur qui sont très pauvres en silice, des péridotites serpentinisées, pour ceux qui aiment les termes un peu géologiques, que l'on retrouve dans les ophiolites des zones de subduction. Donc, c'est vraiment très, très différent. Ailleurs, on trouve aussi des latérites dans des régions qui sont calcaires. Donc là aussi, c'est encore une roche qui est très différente. Elles ont ni la même couleur, ni la même texture, etc. Et pourtant, à l'arrivée, on a ces sols de couleur rouge, avec des roches de composition très différentes au départ. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ça si ces sols sont issus de roches aussi différentes? En fait, on peut l'expliquer si on regarde le point commun entre toutes ces régions. Si les roches de départ sont différentes, toutes ces régions ont quand même un point commun qui est leur climat. Et un climat qui en fait est pas tendre pour l'homme. Hein, si vous restez sous la pluie tropicale en pleine chaleur sous les tropiques, vous le verrez assez vite. Mais ce climat est pas tendre non plus pour les roches. Des pluies torrentielles, un climat chaud et saison sèche, saison humide, saison sèche, saison humide. Et à cause de tous ces paramètres, l'érosion et l'altération des roches est très forte sous ces latitudes. On a beaucoup de végétation aussi, ce qui n'aide pas. Et en termes physiques et chimiques, cela se traduit par une attaque sévère sur tous les fronts des roches qui se trouvent ici et aussi des minéraux qui la composent. Alors pour la roche, d'abord, l'alternance de saisons sèches et humides et des pluies va provoquer la fracturation des roches qui vont se casser en morceaux plus ou moins grands. Et lorsque vous avez des fractures et des différents morceaux, ben c'est tout autant de surfaces supplémentaires qui se retrouvent exposées aux intempéries. Et plus la surface exposée aux intempéries est grande, notamment en ce qui concerne les minéraux qui se retrouvent exposés à l'eau et à la chaleur, plus la surface de réaction chimique des roches est grande aussi. Parce que justement, lorsque ces minéraux sont exposés à beaucoup d'eau et de chaleur, ils vont réagir. Ces minéraux, ils sont constitués d'ions et de différentes d'ions liés par des liaisons chimiques. Ce qui fait que, comme tout matériel chimique, en fait, ils vont être capables de réagir dans certaines conditions. Et lorsqu'on a beaucoup d'eau et de chaleur, toutes les réactions chimiques, en fait, vont être accélérées. C'est ce qu'on appelle l'altération des minéraux. Ils vont réagir chimiquement et de façon d'ailleurs différentielle suivant les minéraux que l'on retrouve et leur composition. Par exemple, si on prend un granit qui est composé grossièrement de feldspath, de mica et de quartz, le feldspath, qui est le minéral blanc que vous voyez dans le granit, qui est assez riche en silice, va réagir d'une façon différente que le mica, qui en a un petit peu moins. Et on a comme ça, selon les minéraux, une espèce d'échelle d'altération du plus altérable au plus résistant. Pour le feldspath, qu'est-ce qui se passe? La silice qui le compose, elle est très soluble en milieu tropical, elle va donc être lavée, elle va donc être retirée par des réactions chimiques de ces feldspaths. On parle de lessivage, parce que c'est exactement ce qui se passe, on a de la pluie qui tombe assez chaude, et on va lessiver certaines parties des minéraux en laissant derrière des nouveaux minéraux, des minéraux dits secondaires, qui vont former, par exemple, très grossièrement des argiles, on parle d'illite, de smectite, on a des noms comme ça qui sont... les noms de ces minéraux qui sont issus de l'altération des premiers minéraux qu'on avait. Idem pour les micas, les ions les plus solubles qui les composent vont aussi être lessivés et donner des minéraux de type argileux. Et si on produit cette altération jusqu'au stade ultime, ce qui est le cas dans les milieux tropicaux, étant donné que cette altération est très forte, on va avoir tous les minéraux solubles et en particulier toute la silice qui vont se retrouver lessivés, ne laissant derrière que des oxydes de fer et d'aluminium qui sont les produits finaux d'altération de ces roches. Et si je vous parle d'oxyde, j'imagine que ça vous fait tilt. Parce que quand on parle d'oxyde de fer, par exemple, et de choses comme ça, on a souvent en tête cette couleur rouge quand on dit qu'une roche est oxydée, quand on dit qu'un métal est oxydé, la rouille, par exemple, on a cette couleur rouge. Et en fait, c'est ce qui se passe. Pour les sols latéritiques, on a en fait une altération vraiment extrême de toutes ces roches de départ pour arriver à la fin, suite à toutes ces réactions chimiques qui transforment les minéraux et qui enlèvent certains ions de ces minéraux, il nous reste à la fin que les oxydes. Alors ça peut être des oxydes de fer, ça peut être des oxydes d'aluminium, de cuivre ou encore de nickel qui forment ces sols rouges, ces latérites qu'on retrouve un peu partout. J'ai une question avec ça. Pour l'oxyde de fer, c'est rouge, d'accord, je vois la rouille, mais les oxydes de, je sais pas, cuivre, manganèse, c'est pas rouge. Donc comment ça se fait que l'ensemble fasse quand même... L'ensemble est rouge. Ouais. Ouais, alors en fait, t'as quand même souvent du fer dans beaucoup de latérites, parce qu'en fait, dans tes minéraux, t'as souvent du fer au départ. Et après, comme tu décomposes progressivement, ça je vais en parler, parfois t'as des latérites qui, à la fin, sont pas complètement rouges. Mmh. Quand il te reste que la cuirasse, la partie où t'as que les oxydes, ça peut être un peu plus noir. Mais globalement, t'as quand même beaucoup d'oxydation et t'as pas mal de fer. Et en fait, l'aluminium, les oxydes d'aluminium, ça peut aussi quand même avoir une couleur un peu rougeâtre, tu vois. Les oxydes, en général, t'en as souvent qui ont cette couleur rougeâtre. Les oxydes de nickel, en Nouvelle-Calédonie, par exemple, forment des dépôts qui sont assez rouges. Alors, souvent, t'as un peu de fer aussi qui est mêlé dedans, hein, qui explique ça. Et ben justement, ça fait une bonne transition à ce que j'allais dire. Donc, ce processus, il est progressif, hein, puisqu'on part d'une roche mère avec des roches intermédiaires jusqu'aux oxydes. Et si on prend, par exemple, la Nouvelle-Calédonie, où cette fois, la roche de départ, c'est pas du granit, mais des péridotites, on a l'altération qui commence. Et on a d'abord des minéraux comme l'olivine, qui sont très fragiles, qui vont être altérés, puis des pyroxènes et d'autres. Et la roche devient de plus en plus argileuse. En partant de ces péridotites, elle passe à une autre roche qui s'appelle la saprolite, qui est grossière, plus fine. Puis il y a de la latérite, qui est d'abord jaune, et enfin rouge, au fur et à mesure qu'on a de plus en plus d'oxyde de fer qui se précipite dans cette roche. Et à la fin, justement, c'est ce que je te disais, on a juste la croûte avec les oxydes qui restent, et qui est plus dure, d'une couleur rouge plus sombre, une cuirasse très très dure. En Nouvelle-Calédonie, c'est essentiellement parce qu'on a beaucoup d'oxyde de nickel, mais Comme je te l'ai dit juste avant aussi, en fait, ici, c'est du nickel parce que la roche de départ en contenait beaucoup. Mais suivant la roche de départ, en fait, on aura différents oxydes différents pour avoir plus de fer, plus de cobalt, etc., etc. Et donc, ce processus permet de comprendre aussi pourquoi on arrive à des sols de couleur rouge dans des régions a priori très différentes. C'est parce que même si on part de roches qui sont très différentes au départ, on lessive finalement tous les minéraux qui sont tous les ions qui sont très solubles, et à la fin, on s'achemine vers des minéraux qui sont un peu plus semblables, même si leur composition, évidemment, varie un petit peu en fonction de la quantité de nickel, de fer, etc. qu'on avait dans la roche de départ. On peut donc considérer que les latérites, finalement, ne sont pas un seul type de roche, mais une seule roche vraiment unifiée, mais plutôt un ensemble de roches résultant d'un processus d'altération qui aboutit à des choses qui se ressemblent, même si, en fait, leur composition est différente. Et en fait, dans l'histoire humaine, les latérites sont très utiles. Évidemment, je vous ai parlé d'oxyde, de minerai, de nickel, etc. Et qui dit oxyde, dit bien sûr minerai, puisque, comme vous le savez, le cobalt, le fer, le nickel, l'aluminium, c'est tout un tas de matières premières qui sont très, très utiles. Et en fait, ces latérites, qu'elles soient actuelles ou fossiles, sont exploitées partout dans le monde pour leurs minerais. Vous avez peut-être entendu parler de la bauxite, qui est un minerai d'aluminium. Est-ce que vous savez d'où ça vient, le mot bauxite ? D'un ring de boxe. Non. Non. Bon. B-A-U-X. Ah, de Patrick Beau. Ça pourrait. Puis il y a un D, on lui fait un big up. Ah oui, c'est un D, pardon, c'est la bauxite. On lui fait un big up. D'un ring de boxe. En fait, ça vient des Baux de Provence. Beau, qui s'écrit donc B-A-U-X, parce que c'est la région où on a trouvé ces latérites, donc qui sont des latérites fossiles, évidemment, puisqu'en France, on n'a pas vraiment un climat tropical en ce moment. Mais à l'époque, il y a très longtemps, quand la France se trouvait à des latitudes, enfin, ce qui est la France aujourd'hui, se trouvait à des latitudes tropicales, on avait ce type d'altération. Et donc, on a des latérites ici, qu'on a appelées bauxite à cause de la région où on les a trouvées, et qui sont maintenant le nom dont on appelle pas mal de latérites d'aluminium, qu'on retrouve aussi ailleurs dans le monde, et qui sont donc exploités pour ça. On a en Nouvelle-Calédonie, on l'a vu, beaucoup de nickel, et on a des gisements importants de nickel qui sont exportés aussi partout dans le monde. Et donc voilà, on peut utiliser la latérite pour ça, mais dans beaucoup de pays, en fait, les latérites sont utilisées comme matériaux de construction. Je vous ai parlé de l'Afrique et de l'Inde, où on utilise ça pour faire des briques. Et en fait, effectivement, on utilise ça pour faire des briques parce que lorsqu'on récupère les latérites dans le sol, c'est encore un sol qui est assez meuble, donc elle est encore assez hydratée, etc. Mais lorsqu'on fabrique des briques avec et que ça sèche, on a une brique qui va être très, très dure et résistante aux intempéries. Pourquoi ? Puisque si on réfléchit d'où viennent ces latérites, on a viré tous les minéraux qui sont solubles. Les ions qui sont solubles. Donc, on a finalement un matériel qui est extrêmement résistant au lessivage, à l'eau, etc. Et donc, une fois qu'elles sont solidifiées, on peut construire des maisons avec qui sont assez résistantes. Et donc, en Afrique, au Cameroun, par exemple, toutes les maisons de brousse sont construites avec ça. Et en Inde aussi, on a beaucoup de maisons qui sont construites comme ça. C'est d'ailleurs là que vient le nom de latérite, qui a été inventé par Francis Buchanan en 1807. Lorsqu'il voyageait en Inde, il a observé des dépôts de ce qu'il appelait alors argile rouge. Et il a donné le nom de latérite à cette roche dont les locaux se servaient pour y découper des briques. Donc voilà, les sols rouges qu'on retrouve partout dans le monde ont finalement pas une seule origine, mais sont issus d'un même processus d'altération. Alors évidemment, hein, Pierre, tu l'as pas dit, mais ça c'était lié un peu à ce que tu as dit, toutes les roches rouges sont pas des latérites et sont pas dues à l'altération. Souvent, c'est lié au fer qui les compose. Par exemple, on parle des aiguilles rouges dans le massif du Mont Blanc, ou la roche granitique globalement de cette... de ce massif est très rouge. Ça, c'est lié à l'oxydation du fer qui est présent dans ces roches. Mais maintenant, si je voulais parler de toutes les roches rouges qui existent, ce serait un épisode entier, voire deux. Donc, je vais m'arrêter là et rester sur ces sols tropicaux rouges. Merci, Alexa. C'est super intéressant. C'est vrai que c'est pas souvent qu'on a des chroniques sur la géologie. T'es la seule à en faire. Donc, ça fait toujours plaisir. Mais moi, j'ai juste étudié. Moi, j'ai juste une question avant que Pierre se moque et qu'on passe à la suite. Ça m'a intéressé. Hein, parce que ça parle un peu de convergence évolutive géologique. Ça reste. Ça va. Exactement, exactement, c'est exactement ça. Mais moi, quand je pense à sol rouge, je pense tout de suite à de l'argile rouge, parce que, je sais pas, j'ai des souvenirs d'endroits où on se barbouillait avec de l'argile rouge. Mais du coup, ce qu'il appelait l'argile rouge et qui est de la latérite, c'est pas de l'argile, c'est ça ? Si, alors en fait, si, parce que disons que dans le processus, donc dans le processus de, quand tu fais tes latérites, quand tu transformes tes minéraux, par exemple tes feldspathes en minéraux secondaires, là tu formes des minéraux argileux. Donc okay. Après, ça dépend, tu vois, à quelle étape t'en es de la latérisation, quoi. Si tu peux être plus ou moins altéré, et donc tu peux avoir plus ou moins d'argile. Après, argile, c'est pareil, c'est un mot hyper vague. T'as plein de minéraux argileux différents qui peuvent être issus de différentes roches, etc. Donc oui, on peut okay. considérer que c'est de l'argile à un certain stade, j'imagine. Enfin, argile au sens commun du terme, en tout cas. D'accord, d'accord. C'est tout... Quelqu'un a des questions ? Il y a des questions dans la chatroom ou c'est bon ? Okay. Oui, j'en ai vu une. C'est Kaou qui demandait s'il y avait un lien sur le humus marron et le même processus qu'il y avait sur de formation des latérites. Alors... Bon, du coup, alors là, on va rentrer dans des choses plus compliquiques. L'humus marron, c'est plus de la matière organique. Hein. Donc, c'est un processus c'est du caca. Qui... C'est du caca, c'est ça. Non, c'est... Donc, c'est un processus qui est différent. Après, dans les régions tropicales, on a parfois des interactions entre la formation des latérites et tout ce qui est jungle, etc. Donc, on a de la matière organique aussi. Donc, on a certains... Voilà, si on veut rester hyper strict, la latérisation, voilà, on a ce côté, purement chimique. Mais parfois, on a de la matière organique qui entre en jeu aussi, notamment au niveau des régions, des jungles et tout ça. Donc, ce n'est pas exactement la même chose, puisque l'humus, c'est de la matière organique. Mais on a des convergences, là aussi. C'est du vivant, quoi. Et il y a Lutine qui... Non, pardon, il y a encore une question qui rajoute une question. La peinture rouge est toujours plus chère que les autres, sinon, depuis quand ? Je n'en ai absolument aucune idée. Sacrée spécialité, ça, comme question. Je n'en ai aucune idée, je n'avais jamais remarqué. Je ne crois pas que le vernis à ongles rouge soit plus cher que les autres. Moi, j'ai cru que c'était toujours la couleur bleue qui était supra rush, mais... Bah, mais on en a quiz, déjà parlé donc. On en a déjà parlé, voilà. Donc, ouais. Très bien, très bien. On, eh ben, on merci en fera un quiz, un faux One Talks. Ouais, on pourrait. Du coup, Irène, puisque tu le mentionnes, passons à ta chronique. Voilà. Ça fait longtemps que t'étais pas venue et du coup, tu nous as préparé une petite chronique sur le sang. Oui, et ça m'a ravie, mais pleinement pour deux raisons. Bon, d'abord, parce que pour plusieurs raisons, mais d'abord, c'est toujours super de faire des dossiers, mais c'est surtout parce que ma couleur préférée, c'est le rouge, de loin. Ah. Et voilà. Et comme si vous avez suivi un petit peu nos épisodes depuis quelque temps, vous savez que j'adore le sang, en fait. Donc là, c'est le top. On s'inquiète. Elle est un vampire. Vampire. C'est ça. Non, mais je... Ouais, voilà. J'ai toujours été fascinée par le sang. Donc là, c'est le top. L'émission pour moi idéale. Donc, la question de ce soir est pourquoi le sang est-il rouge ? Alors, en fait, on pourrait... C'est un peu bizarre comme question et on pourrait peut-être y répondre en retournant la question en fait et se demander mais qu'est-ce qui se passerait si le sang n'était pas rouge en fait ? Eh bien, en fait, probablement pas grand-chose, parce qu'il n'y a apparemment aucune raison biologique pour que notre sang soit rouge. Il n'y a aucune raison. En fait, c'est simplement une réalité physico-chimique. Je sais, c'est un peu décevant, parce que la couleur rouge vive du sang, c'est une histoire très riche symboliquement. Hein. On l'associe souvent, comme vous le savez, le rouge, c'est la vie, c'est la vitalité. D'où d'ailleurs nos maquillages, hein, le rouge à lèvres, le blush, etc. Mais on l'associe aussi au danger. Les panneaux sur la route, ils sont en rouge, on l'associe au meurtre, etc. Donc c'est très, très riche symboliquement, et malheureusement la couleur rouge du sang, à part encore une fois le fait qu'il y a une réalité physico-chimique, il n'y a pas de raison a priori pour que notre sang soit rouge. Néanmoins, on va quand même affiner la question, qu'est-ce qui fait que notre sang est rouge ? Alors il y a une raison toute bête, c'est parce que notre sang contient des millions de globules rouges. Voilà, donc voilà. Mais est-ce que ça va vous suffire comme réponse ? Je ne pense pas, parce que la question qui se pose dès à présent, c'est mais alors pourquoi les globules rouges sont-ils rouges ? Voilà, alors on arrive quand même au cœur du sujet, c'est parce que chaque globule rouge contient du fer, et c'est ce fer qui est responsable de la couleur rouge. Alors, si vous voulez savoir pourquoi le fer émet dans le rouge, là, par contre, il faudra demander, je ne sais pas, par exemple, à notre chimiste préféré, à Claire, par exemple, d'où vient le fait que le fer émet dans le spectre rouge. Ça, ce n'est pas du tout mon domaine de compétence. Mais c'est cool, de la géologie à la biologie, on a toujours le fer partout pour le rouge. Et ouais, c'est ça. Voilà, alors ce qu'il faut savoir, donc si vous êtes un peu plus curieux, c'est que notre corps contient environ, si on est selon la taille de notre corps, entre 3,5 et 4,5 grammes de fer. Et 80% de ce fer se trouve dans nos globules rouges. Alors en médecine, on peut doser le fer sérique, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. On dose plutôt en première intention une protéine qui s'appelle la ferritine, qui est la protéine de stockage du fer. Donc on stocke le fer dans le foie ou dans certaines cellules de notre système immunitaire, notamment les macrophages. Et en fait, c'est la concentration de cette ferritine qui va nous donner une bonne évaluation des réserves en fer dans notre organisme. Et c'est super important pour nous parce que c'est une des premières conséquences d'un déficit en fer chez nous, c'est l'anémie. Donc, une diminution de ce qu'on appelle l'hémoglobine. On va revenir dessus. Donc, c'est pour ça que ça fait partie, en première intention, d'un bilan, en fait, d'exploration des anémies chez nous. Alors, à quoi ça sert le fer chez nous et comment ça marche ? Eh ben, dans les globules rouges, donc, on a cette molécule qu'on appelle l'hémoglobine. Et sa fonction à cette hémoglobine, c'est de transporter des gaz, notamment l'oxygène. L'oxygène qui va être transporté depuis les poumons vers le reste de l'organisme. Alors, cette hémoglobine, c'est une protéine, mais elle est constituée elle-même de 4 protéines qui vont chacune fixer une structure complémentaire qu'on appelle l'HEM. C'est une structure qui a une forme d'anneau. Et donc, on appelle cette hémoglobine, on l'appelle aussi une hémoprotéine, parce que c'est une protéine qui contient ce groupe M. C'est un cofacteur enzymatique, un cofacteur. C'est un composé qui facilite les réactions chimiques. Et donc, cet M lui-même va contenir donc cet atome de métal, ici le fer, sous forme d'ion, Fe2+. Et donc, l'M, donc cette partie sous forme d'anneau, va se fixer sur l'hémoglobine grâce au rôle stabilisant de ce fer, donc sous forme de Fe2+, de ion Fe2+. Or, il se trouve que, de surcroît, ce fer peut également lier de manière réversible une molécule d'oxygène. Donc, on est au cœur ici du mode de fonctionnement. Donc, cet oxygène qu'on aura inspiré pendant le processus respiratoire, il va être transporté à l'intérieur des globules rouges en se fixant très, très fortement sur l'atome de fer qui est lui-même sur l'HEM. Donc, via les globules rouges, l'oxygène, il est transporté dans tout l'organisme et il va être libéré dans les capillaires artériels, dans les tissus de l'organisme. Moi, j'ai une question. Ouais. En fait, du coup, tu as un petit peu parlé au début, mais donc quand tu as une anémie, donc quand tu n'as pas assez de fer, en fait, le problème, c'est qu'en fait, tu n'as pas assez de globules rouges et du coup, tu n'as pas assez d'oxygène qui arrive, c'est ça, dans tes organes. Donc, en fait, ce n'est pas tant le fer que le fait que le fer soit utilisé pour capter l'oxygène, c'est ça ? C'est ça, oui. D'accord. C'est ça. Donc en fait, quand on dit qu'il n'y a pas assez de fer, c'est que c'est pas que tu as besoin du fer tant le métal que ça, c'est que tu en as besoin pour amener de l'oxygène, quoi. D'accord. Ouais, okay. Tu en as besoin pour en avoir dans tes globules rouges et pour qu'ils fixent l'oxygène, ouais, entre autres. D'accord. Voilà. Oui, donc, entre autres, il y a d'autres fonctions du fer dans le corps, mais vu que c'est celui qui va te permettre de survivre rapidement, l'apport d'oxygène, c'est crucial, en effet. Une des premières conséquences, effectivement, va être là, des troubles au niveau de l'oxygénation des tissus. Ouais. Donc, où en étais-je ? Donc, grâce au globule rouge, donc, cet oxygène est transporté dans tout l'organisme et va être libéré. Et l'oxygène, lui, se détache de cet atome de fer lorsque la pression partielle en oxygène est basse. Donc, dès qu'on a une faible concentration en oxygène, comme c'est notamment le cas dans les tissus, l'oxygène va être détaché. Alors, les tissus de notre organisme vont utiliser l'oxygène pour produire de l'énergie, c'est la fonction de la respiration, hein, et libérer en retour, ces tissus libèrent en retour du gaz carbonique, du CO2. Et c'est ce CO2 qui va prendre la place de l'oxygène sur les atomes de fer de l'hémoglobine. Donc il y a un échange gazeux à ce niveau-là. Donc les globules rouges vont alors repartir dans la circulation veineuse et se retrouver au niveau des poumons, en fait. Et là, le dioxyde de carbone, il va de nouveau être expulsé, il va se reproduire en échange, et les globules rouges vont être rechargés en oxygène. Alors, un tout petit peu plus, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais en fait, du coup, on aura compris qu'on a finalement deux formes d'hémoglobine, celle qui contient l'oxygène et celle qui contient le CO2. Donc, la forme désoxygénée, c'est une conformation dite tendue, en fait, et elle a une faible affinité pour l'oxygène. Donc, elle tend, par conséquent, à le libérer. C'est-à-dire qu'elle ne retient pas bien l'oxygène, elle libère l'oxygène. Et ça, on trouve cette forme tendue, la forme T, lorsque notamment on a un pH faible, en fait, un pH acide et une forte concentration en CO2. C'est donc ce qui se passe notamment au niveau des tissus de l'organisme. Et la forme, en revanche, oxygénée, qui contient donc l'oxygène, c'est une forme qu'on dit relâchée. Elle, c'est une hémoglobine qui a une très forte affinité pour l'oxygène, qui tend à le fixer. Et cette forme relâchée, elle est favorisée par un pH élevé et une faible pression partielle en CO2. Donc, c'est comme ça que se fait la fixation de l'oxygène lorsque le sang circule au niveau des alvéoles pulmonaires. Alors, juste si vous vous posez un petit peu la question de savoir comment ça se passe, ces échanges en fait entre l'oxygène et le CO2, donc ça se passe au niveau des poumons, ce qui se passe c'est que vous allez inspirer de l'air, et en fait c'est juste des échanges gazeux qui se font par simple diffusion des gaz au niveau de au travers de la paroi des alvéoles pulmonaires et des capillaires sanguins en fait. On vous mettra, j'espère, un schéma dans la chatroom et puis dans les notes d'émission, vous verrez, finalement, ça peut être simplifié de façon tout à fait compréhensible par simple diffusion, en fait. Hein. Alors, il y a 4 variations de rouge principales qui sont assez intéressantes, en fait. Donc, il faut savoir que le rouge du sang n'est pas un seul rouge. Il y a pas mal de variations. Notamment lorsque ce CO2 se fixe à l'hémoglobine, et ben la couleur du sang elle passe bien du rouge vif au rouge foncé, d'aucuns diront avec une touche de violet, mais c'est vrai que le sang varie, les couleurs du sang varient entre le rouge vif et le rouge foncé en fait. Alors, au niveau d'hémoglobine, cet M dont on a parlé peut normalement est assez bien protégé, c'est-à-dire que il n'est pas trop attaqué, mais il peut y avoir quand même des oxydants, des composés qui viennent oxyder cette molécule, notamment l'eau d'ailleurs, qui peut venir oxyder cet ion Fe2+ et le transformer en ion ferrique, en fer ferrique Fe3+. Or, ce fer ferrique, lui, il a perdu un électron, donc il peut plus fixer l'oxygène. Donc, ça, dans ces cas-là, lorsque le fer est sous forme ferrique, on appelle la molécule qui le porte, ça ne s'appelle plus l'hémoglobine, ça s'appelle la méthémoglobine, et c'est une forme d'hémoglobine qui peut apparaître dans certaines maladies génétiques rares. Ça peut être très très grave, c'est parce que c'est par exemple le syndrome du bébé bleu. Voilà, donc on ne parle plus de bébé rouge, mais on parle de bébé bleu. Voilà, il y a quelques rares intoxications aussi où on peut voir aussi l'apparition de méthémoglobine. J'en parlais d'ailleurs dans l'émission bleue sur ces fameux personnes mutantes qui vivaient aux États-Unis et qui avaient la peau bleue, justement, qui était dont la peau était, enfin non, le sang était riche en méthémoglobine. En méthémoglobine, ouais, ouais. Alors une autre molécule qui donne une jolie couleur dans notre organisme, une belle couleur rouge, c'est la myoglobine. Alors, la myoglobine, c'est quoi? C'est aussi une protéine qui contient un atome de métal, c'est du fer aussi, mais on la trouve surtout dans les muscles, chez les vertébrés, et notamment chez les mammifères. Donc, elle ressemble beaucoup dans sa structure à l'hémoglobine, mais elle a plutôt pour fonction de stocker l'oxygène plutôt que de transformer. Donc, on va trouver une concentration plus élevée en myoglobine dans les cellules musculaires, et c'est notamment ce qui permet aux vertébrés, notamment certains vertébrés, de retenir leur respiration plus longtemps. C'est pour ça que dans le muscle des mammifères marins, comme les baleines, on trouve beaucoup de myoglobine, jusqu'à 10 fois plus que chez l'homme. Et il faut savoir que chez l'homme, sa présence dans le sang, elle est anormale en fait. Ça résulte plutôt, enfin, une concentration. On a une concentration de base, mais en concentration, si on en trouve un peu plus, on peut penser qu'il y a une lésion musculaire et notamment donc une destruction de tissu musculaire, donc ce qu'on appelle la rhabdomyolyse. Hein. Et c'est d'ailleurs parfois, c'est un outil diagnostique. Hein. C'est notamment un bon indicateur d'infarctus du myocarde chez les patients qui vont avoir une douleur thoracique. Dans le bilan de première intention, on va demander le dosage de la myoglobine, sachant que sa concentration sanguine s'élève 1 à 3 heures après un infarctus et tend à se normaliser en 24 heures. Donc, c'est un très bon outil diagnostique hein, dans la panoplie des paramètres qu'on va doser. Et donc, l'abondance de cette myoglobine dans les muscles des mammifères, elle est responsable donc de la couleur rouge de la viande, voilà, par opposition à la couleur pâle des viandes blanches, notamment les volailles hein, et le porc, ou la chair de poisson, par exemple. Donc, la viande rouge, elle est généralement plus riche en fibres musculaires fines qui sont destinées à fonctionner en continu et sans période de repos, comme par exemple le muscle cardiaque, alors que la viande blanche, elle est généralement plus riche en fibres musculaires épaisses qui sont destinées à fonctionner de manière plutôt intense et sur des périodes plus limitées, comme par exemple les muscles pectoraux des oiseaux, par exemple le blanc de poulet. Voilà. Alors, pour continuer un petit peu dans cette veine sur la viande rouge présente différentes teintes aussi selon son état de cuisson et de conservation. Donc, ces variations de couleur de la viande, elles s'expliquent par des changements d'état de la myoglobine qui est présente dans les tissus. Donc, notamment dans le cas de la viande fraîche, donc le cation du fer est à l'état ferreux, il est bien lié à l'oxygène. Mais lorsqu'elle est bien cuite, la viande rouge, elle prend une teinte brune en raison de l'oxydation de la myoglobine, en méthmyoglobine, dans laquelle le cation de fer est ferrique. Donc, il perd sa couleur rouge. Alors, j'ai trouvé aussi intéressant de savoir que la viande peut aussi prendre une teinte rose lorsqu'elle est exposée au nitrite, NO2-, à la suite de la liaison d'une molécule de monoxyde d'azote sur la myoglobine. Et c'est par exemple le cas de certaines viandes qu'on peut acheter comme le jambon et le corned beef. Sachant aussi que la viande rouge tend à brunir lorsqu'elle vieillit, sous l'effet notamment de l'activité des microbes, et qui tendent aussi à oxyder cette myoglobine qui va perdre sa couleur rouge. Et c'est pour ça qu'on pense souvent qu'une viande crue de couleur brune, on pense qu'elle c'est une viande avariée en fait. Donc c'est pas aussi simple que ça. Par contre, aussi, les viandes grillées peuvent aussi prendre une teinte rose, mais là, c'est par liaison d'une molécule de monoxyde de carbone sur la myoglobine. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette propriété-là, en particulier, elle est utilisée par l'industrie alimentaire pour améliorer l'apparence des viandes rouges que vous allez acheter et les rendre plus attractives. Donc, que le consommateur va identifier comme bah, une belle viande rouge, c'est une viande fraîche. Donc, en fait, quand l'industrie alimentaire, parfois, lorsqu'il emballe la viande, il l'emballe sous une atmosphère de monoxyde de carbone. Et c'est comme ça que la couleur de la viande, elle va être rose, indépendamment d'ailleurs de son état de fraîcheur réel. Voilà. Donc, et ça, c'est compte tenu de l'affinité très élevée de l'EM pour le monoxyde de carbone. Et d'ailleurs, il faut savoir que cette couleur peut persister environ 1 an. Voilà, c'est bon à savoir. Alors, qu'est-ce qu'il en est chez les autres animaux? Là, on a parlé de chez nous, mais chez les autres animaux, c'est pas toujours exactement la même chose. Bon, presque tous les vertébrés ont un sang qui contient l'hémoglobine, mais chez les animaux à sang froid, le sang est souvent bleu, parfois vert, jaune aussi, parce que ce sont d'autres atomes qui vont remplacer le fer. On peut notamment trouver du cuivre. Par exemple, la pieuvre a un sang véritablement bleu. Elle utilise, au lieu de l'hémoglobine, elle utilise l'hémocyanine, qui est aussi un pigment qui sert dans la respiration. Mais cette hémocyanine contient du cuivre, qui a une couleur bleue brillante lorsqu'elle est oxygénée, et plutôt incolore lorsqu'elle est désoxygénée. On la retrouve d'ailleurs chez d'autres, cette molécule, chez d'autres mollusques, des arthropodes. Hein. une petite variante que j'ai trouvée anecdotique et intéressante. Il y a un gros lézard, en Nouvelle-Guinée qui s'appelle le skink, qui lui a du sang vert. Et en fait, ce qui est surprenant, c'est que en revanche, il a bien de l'hémoglobine, mais en fait, dans son sang, on a une autre, dans son sang et ses muscles, c'est eux qui sont de couleur verdâtre. Et c'est parce qu'ils ont une autre molécule qui s'appelle la biliverdine. Donc qui est un pigment biliaire hein, qui est de couleur verte qui est aussi qui résulte de la dégradation en fait de l'hémoglobine et qui donne cette couleur verdâtre et c'est ce qu'on trouve d'ailleurs quand vous faites un bleu en fait c'est souvent l'échymose est due à la biliverdine en fait ceci étant dit chez le skink on ne sait pas trop à quoi ça sert. Voilà, et bien pour finir, comment ne pas penser à notre monsieur Spock de Star Trek, qui lui a le sang vert, et donc c'est parce que soi-disant le pigment oxygéné de Vulcain est comme celui de la preuve, pieuvre, il était à base de cuivre. Bon, en fait, les scénaristes de Star Trek, ils étaient probablement plus familiers avec la façon dont le cuivre des toitures s'oxyde en vert qu'avec les arthropodes terrestres qui ont du sang bleu. Mais voilà, néanmoins, Star Trek, monsieur Spock avait du sang vert. Voilà, voilà. Ouais, ils auraient pu remplacer par de la chlorophylle aussi, parce que quand on compare la structure de l'hémoglobine et la structure de la chlorophylle, on se rend compte que c'est assez similaire. En fait, les plantes, la chlorophylle, c'est aussi fait d'un NEM. Et du coup, l'EM, c'est un cycle de carbone comme ça, avec de l'azote et de l'hydrogène qui concentre un métal à l'intérieur, comme tu as dit. Et donc, pour la chlorophylle, c'est du magnésium. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite recherche historique. Les chimistes, à la fin du 19e siècle et au début du 20e, comme ils savaient déjà que la structure de la chlorophylle et de l'aime de fer de l'hémoglobine, ça se ressemblait beaucoup, ils pensaient qu'en mangeant de la viande, en fait, c'est comme ça qu'on faisait notre stock d'hémoglobine, en fait, en mangeant de la chlorophylle. Voilà. Et en fait, pendant longtemps, on pensait ça, et je crois que ça persiste encore dans certaines écoles de naturopathie ou ce genre de choses, où on dit il faut manger de la chlorophylle quand on est anémié. En réalité, c'est pas parce que ça nous permet de faire plus d'hémoglobine ou parce qu'on réutilise la chlorophylle pour ça, mais c'est plus parce que quand on mange certaines plantes, on a un apport en fer, et du coup, ça aide contre l'anémie, par exemple. Et donc, c'est deux voies de synthèse différentes, mais qui font des structures de molécules qui sont assez similaires et qui donnent une couleur parce que c'est des molécules cycliques et donc elles absorbent la lumière. Voilà, c'est aussi une convergence intéressante. Mais c'est vrai que c'est surprenant d'ailleurs, hein, l'analogie de structure. C'est très surprenant, je trouve, mais oui. Voilà, il y avait des questions dans la chatroom ? Il y a des questions sur les animaux qui avaient le sang bleu, mais tu en as déjà parlé. Et il y en a une sur... Sur ma tortue marron a une langue rose, mais son sang est bleu. Point d'interrogation. Ah bon. Ça peut arriver. Voilà. La langue est rose, mais le sang est bleu. Et ben, je ne sais pas du tout. Et tout est dans la nature. Et ouais, je ne sais pas. Très bien, Irène. Ben, merci beaucoup pour cette chronique. C'était super intéressant. Ouais, merci Irène, parce qu'en plus tu me donnes l'occasion de faire un étymozo. Je ne connaissais pas l'espèce de lézard vert, et je vois que son nom s'appelle Prasinoema, ce qui veut exactement dire en grec le sang vert. Donc en avant-première, vous avez un étymozo qui arrivera bientôt. Ah ouais. Super. Merci beaucoup. Très bien. Bon, de rien. Et du coup, sans transition, on va passer sur la chronique de Topo qui va nous parler d'un lait un peu spécial. Tout à fait. Alors, quand j'étais petit, j'adorais un petit jeu couillon. D'ailleurs, je l'ai vu passer ce jeu couillon dans la chatroom, donc c'est assez marrant. C'était sous forme d'énigme pour piéger mes camarades de classe. Ça commençait par des devinettes très simples. Hein. Donc, vous êtes invités à y répondre, hein, si vous voulez. De quelle couleur est la crème fraîche ? Blanc. Ok, de quelle couleur sont les nuages ? Blanc. De quelle couleur était le cheval blanc d'Henri IV ? Blanc. De quelle couleur est le lait ? Blanc. Qu'est-ce blanc. Que boit la vache ? De l'eau. Alors, il y en a qui en disent du lait, il y en a qui disent de l'eau. Bon, enfin, à mon hilarité juvénile, la plupart de mes camarades répondaient automatiquement, sans réfléchir, du lait. ce qui me permettait de me gausser de leur naïveté, bien qu'étant tombé dans le panneau moi-même lorsque confronté à cette énigme. En effet, les vaches adultes boivent de l'eau et non du lait. Mais à ma grande frustration, certains copains ne se prêtaient guère à l'exercice et argumentaient, par exemple, que la crème fraîche pouvait tirer sur le jaune. Et j'ai entendu quelqu'un dire que c'était plutôt beige. Donc voilà, il y a toujours des petits malins. Que des nuages noirs ou roses pouvaient envahir le ciel, ou enfin que le cacolac et le lait fraise n'étaient pas blancs. Bon, dispute de récré mise à part, la dernière remarque m'a souvent interloqué et me poussait à me demander si du lait naturel pouvait arborer d'autres couleurs que le blanc. Bien dans le cadre de cette émission dédiée à la couleur rouge, je vous propose de me mettre en quête d'un lait écarlate ou, à la rigueur, de couleur rose. J'avoue que en préparant cette émission, moi je partais confiant, hein, parce que j'étais tombé sur, il y a quelques temps, un post Facebook daté du 26 juillet 2013 sur la page officielle de National Geographic annonçant que le lait d'hippopotame était rose pétant. Allez hop, emballé, c'est pesé, me suffisait de trouver la raison pour laquelle ce lait est rose et j'avais une chronique toute faite. Mais j'ai très vite déchanté et dû une nouvelle fois fléchir les muscles de mon esprit critique pour discriminer le vrai du faux dans cette affirmation. En fait, voulant tout d'abord documenter mon dossier avec de belles images de lait rose d'hippopotame, je me suis retrouvé rapidement confronté à de très nombreuses vidéos et images d'un lait d'hippopotame d'un blanc banal. Alors qu'à cela ne tienne, hein, puisque en consultant les commentaires du post de National Geographic, on peut lire plusieurs explications nous décrivant comment le lait, certes blanc, de l'hippopotame peut se teindre de rose en contact avec la sueur rouge de l'animal. Sueur rouge d'hippopotame et lait blanc donnerait alors un lait rose. Bon, comme cette affaire commençait à sérieusement devenir louche, un petit passage sur les sites de débunkage s'imposait, comme sur Snopes par exemple, où j'ai enfin découvert le poteau rose. Le lait rose d'hippopotame est un mythe d'internet. Et cette histoire de sueur rouge, partiellement correcte. En effet, il y a peu de mammifères qui sécrètent de la sueur pour réguler leur température, comme le font les humains ou encore les chevaux. D'ailleurs, je vous renvoie à l'épisode 315 de Podcast Science, où j'en parlais dans le cadre d'un épisode sur l'écophysiologie. Mais bien que l'hippopotame soit dépourvu de glandes sudoripares, les glandes qui permettent de générer de la sueur, leur permettant d'évacuer de l'eau sur leur peau pour en diminuer la température par évapotranspiration, il est cependant capable, l'hippopotame, d'exsuder une substance huileuse à partir de glandes subdermiques, en dessous du derme. Et cette substance huileuse, riche en acides hyposudoriques et norhyposudoriques, elle est initialement incolore et se met à rougir au soleil avant de prendre une teinte brunâtre en séchant. Cette substance agirait alors comme une sorte de crème hydratante, une lotion solaire protégeant des UV et enfin un onguent antibiotique et antiseptique. Tout autant de propriétés cruciales pour la survie de ces animaux exposés aux rayons mortels du soleil et dont la peau est régulièrement bardée de plaies ouvertes. Ceci étant dit, il ne s'agit donc ni de sueur, ni encore moins de sang. Donc, n'en déplaise à Pline, l'ancien, qui dans son histoire naturelle estimait que le surplus du sang de l'animal était évacué par des lésions que l'hippopotame s'infligeait volontairement, ce qui aurait donné d'ailleurs l'idée aux Égyptiens de la pratique médicale de la saignée. Ça aussi, c'était une fake news. Mais surtout, il est très peu probable que cette substance se mélange avec le lait des femelles hippopotames allaitantes, et les rares expériences de mélange de sueur d'hippopotame et de leur lait sont peu concluantes. D'ailleurs, le biologiste David Winnick estime que l'acidité des pigments hyposudoriques rend peu probable le mélange avec les composés lactés, car comme nous l'apprenait Sirtin sur son blog, ajouter de l'acide comme du citron dans du lait, ça crée des grumeaux. Donc ça créerait une sorte de lait en forme de grumeaux. Pouvons-nous donc enterrer l'idée de boire du lait rose, voire comme le faisait cette publicité pour le tourisme franc-comtois, se moquer des naïfs citadins qui pourraient croire qu'une telle boisson puisse exister? Je vais demander à Pascal de nous passer le petit extrait audio. Regardez-moi ça. Du lait rose? Oui, ça va plaire aux enfants. Incroyable. Goûtez. Waouh. La vache. Voilà, ça c'était une véritable pub qui a été diffusée pour le tourisme franc-comtois. Hein, donc c'était la Franche-Comté et il fallait cliquer sur un site qui s'appelait La Vache Rose pour découvrir le poteau rose qui était que c'était un mythe. Voilà, bref. Mais à en croire les commentaires des pages de debunking de cette histoire de lait rose d'hippopotame, eh bien il existerait un lait rose et le seul lait véritablement rose qui existerait serait celui du yak. Alors vous commencez à connaître la routine, hein. Il n'y a qu'à prendre la direction des sites de debunking pour vérifier si le lait de yak est bien rose. Et encore une fois, à première vue, il s'agirait d'un mythe, puisqu'on trouve assez facilement des photos et vidéos de traite de yak dont le butin est blême, comme je l'imagine serait le visage de ceux qui étaient persuadés de l'existence de lait rose de yak. Mais il y a pourtant du vrai qui se cache dans ce mythe. En effet, plusieurs sources, Wikipédia, The Guardian ou encore Heifer International, évoquent le fait que le lait de Dri, qui est la femelle du yak, eh bien ce lait change de couleur au fur et à mesure de la croissance de son veau. Ainsi, le premier lait de la Dri, déjà accumulé dans ses pies en fin de gestation, a une composition assez différente du lait qu'elle produira pour son veau mature. On parle de ce qu'on appelle le colostrum lorsqu'on se réfère au premier lait, et il est souvent d'une importance capitale pour la survie du veau, mais à vrai dire de tous les bébés mammifères. En plus de sa composition particulièrement adaptée au système digestif balbutiant du nouveau-né, le colostrum est aussi riche en anticorps permettant de booster son système immunitaire. Autre particularité du colostrum, arborer toute une variété de couleurs, jaune, orange ou chez le yak, rose car mêlé à du sang. En effet, lors de la maturation des glandes mammaires avant la naissance, celles-ci deviennent plus perméables et les nombreux capillaires sanguins qui les entourent peuvent laisser échapper quelques globules rouges qui vont s'accumuler dans le lait colostral. D'ailleurs, des chercheurs ont estimé que seuls 0,4 ml de sang, une sorte de grosse goutte de sang, eh bien seulement ce volume de sang suffit à atteindre 1 litre de lait blanc en rose flashy. Si ce phénomène est fréquent chez le yak, il n'est pas inconnu chez d'autres espèces de mammifères, à commencer par nos classiques bovins d'élevage, comme en témoigne une vidéo d'un fermier anglais ayant récolté des litres de lait colostral rose en 2013. Mais curieusement, lorsque ces images de lait rose de vache ont tourné sur Internet, elles ont cette fois-ci été détournées pour générer des fake news sur l'emploi supposé de substances javelisantes afin de blanchir le lait de vache naturellement sanguinolent et rempli de pus. Donc rassurez-vous donc, hein, le lait colostral de vache, plus souvent orange que rose, n'est pas couramment dédié à la consommation humaine, mais peut valoir beaucoup aux fermiers qui le récoltent car c'est précieux pour la survie des jeunes veaux. Et à vrai dire, n'en déplaise aux instigateurs de la fake news précédente, qui probablement étaient des véganes en colère, le colostrum bovin a le vent en poupe ces temps-ci, car vendu comme complément diététique miracle, on peut en trouver en poudre, en comprimé, en fromage ou en crème glacée. Voilà, donc si vous voulez manger du colostrum en crème glacée, vous pouvez en trouver certainement sur Internet. C'est pas pire que le placenta finalement. Non, mais pourquoi, à vrai dire, hein, pourquoi ça faisait ça? Donc leur intérêt diététique ou pour la santé reste à prouver cependant, hein, donc il faut faire attention avec ce genre de substances. Mais si l'on parvient à naviguer entre ces pièges factuels des temps modernes, il est toutefois important de constater alors que le lait rose, si tant est qu'il est colostral, eh bien... ça existe. Voilà, donc le lait rose, ça existe. Et bien entendu, les humains ne sont pas exclus de l'affaire, car du sang peut s'épancher de la même manière dans le lait durant les premières tétées. Et si le phénomène d'un colostrum humain rubicon est rare, c'est estimé à 0,1% des grossesses, il a été suffisamment documenté pour hériter d'un surnom médical, le syndrome des tuyaux rouillés. Le Rusty Pipe Syndrome en anglais, ou RPS, pour éviter de se prendre une mandale des mères concernées, dont on pourrait comprendre la légitime colère, tout à fait, c'est dégueulasse. Qui donne ces surnoms? Je ne sais pas. Bon, je pourrais ainsi me considérer victorieux d'avoir trouvé du véritable lait rose et clore prématurément cette chronique, mais c'est mal me connaître. L'émission porte sur le rouge, et je vous trouverai du lait rouge, foi de strange et funky. Mais alors pour y parvenir, il va falloir malmener quelques définitions afin de nous échapper du règne des mammifères. Pour cela, posons-nous la question de savoir ce qu'est le lait. Bah, stricto sensu, il s'agit d'une substance sécrétée par les glandes lactéales, qu'on appelle aussi les glandes mammaires, pour alimenter les nourrissons et qui constitue une innovation évolutive caractéristique des mammifères. Mais une question saugrenue qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on peut trouver du lait chez d'autres animaux que le mammifère ? À une époque où l'on achète des laits de soja, d'amande ou de coco dans les rayons de supermarché, j'espère qu'on me pardonnera d'en chercher chez d'autres animaux que ceux qui portent des poils. On se mettra alors en quête de substances nutritives sécrétées par des parents pour subvenir aux besoins de leur jeune progéniture. Et à partir de cette définition-là, après l'écoute notamment d'un fantastique épisode du podcast Stuff to Blow Your Mind, j'ai pu ériger une liste d'animaux capables de produire des analogues lactés pour aboutir à la plus improbable des compilations. Sachez ainsi qu'il existe plusieurs centaines d'espèces d'oiseaux capables de produire de ce qu'on appelle du lait de jabot. Chez les oiseaux, qui en possède un, le jabot est une sorte de poche correspondant à un renflement de l'œsophage et qui sert généralement de zone de stockage de nourriture avant de passer dans l'estomac de l'animal à proprement dit. Mais chez certaines espèces d'oiseaux, comme le pigeon, le flamant rose ou encore le manchot empereur, le jabot peut avoir une autre fonction, celle de sécréter une substance analogue à du lait. Et en effet, les cellules épithéliales qui forment la paroi du jabot produisent un fluide de consistance proche du lait caillé et essentiellement composé de lipides et de protéines. Alors, contrairement à la majorité des mammifères, ce sont ici les deux parents qui peuvent élaborer ce lait de jabot qui va être régurgité dans le bec de leur progéniture impatiente. Ce lait de jabot est crucial pour leur croissance et leur permet souvent de grandir à une vitesse spectaculaire, tant et si bien que certains scientifiques ont proposé d'en faire un complément alimentaire pour booster la croissance des poulets, par exemple, chez qui la croissance des poussins était accélérée de 38% lorsqu'alimentée au lait de jabot après éclosion. Alors le fait que l'on trouve du lait de jabot chez plusieurs espèces d'oiseaux, et que les oiseaux sont les seuls dinosaures qui ont survécu à la grande extinction du Crétacé tertiaire, ça a poussé certains scientifiques à émettre une hypothèse, très controversée, que certains dinosaures auraient pu, notamment les dinosaures à bec de canard du groupe des hadrosaures, auraient pu sécréter un lait de jabot pour alimenter leurs bébés dont les dents poussaient tardivement. À se demander si l'on aurait pu acheter du cacolac de Triceratops à l'entrée des attractions de Jurassic Park. Donc, voilà, parenthèse fermée, il reste d'autres espèces plus étranges encore. Et pour le coup, parfaitement documentées, il y a par exemple les sécrétions produites par les sessilies pour nourrir leurs petits. Alors les sessilies, qu'on appelle aussi des gymnophiones, ce sont des amphibiens sans pattes, apparentés aux salamandres et grenouilles, mais à l'apparence d'un croisement entre un lombric et un serpent. Chez l'espèce Boulangerula tétana, une équipe de chercheurs a noté que les bébés fraîchement éclos étaient dotés de quenottes acérées. Et ils utilisaient ces quenottes acérées pour dévorer la peau graisseuse de leur mère qui devait la régénérer tous les 3 jours. Donc si on inclut de la peau parmi les analogues de lait, ça commence sérieusement à devenir improbable. Eh bien en réalité, on ne fait que s'échauffer. Car on pourrait aussi citer le mucus suintant sur les écailles du poisson Discus symphysodon, ou encore les ovaires tétés par les bébés du poisson vivipare Zoarces viviparus, qui logent dans le système reproducteur de leur mère pendant leur développement. Ou encore, on peut citer qu'il existe des analogues de lait chez les invertébrés, et on pourrait alors citer l'araignée Toxeus magnus qui, d'une part, ressemble à une fourmi, ce qui est surprenant, mais surtout, dont la particularité la plus curieuse est de nourrir ses bébés araignées d'une substance suintant de son sillon épigastrique. Et les chercheurs qui ont réalisé cette découverte supposent qu'il s'agit d'une sorte de jus d'œufs non fécondés permettant de nourrir les petits durant près de 40 jours. Et pour finir, mon exemple préféré, car parasitaire bien entendu, la mouche tsetse, qui elle aussi est vivipare et accouche d'une énorme larve nourrie à partir des sécrétions des glandes accessoires utérines de la maman mouche. Mais dans cette liste, quel serait alors l'animal qui produirait du lait totalement rouge ? Eh bien la réponse est, est-ce que vous avez une idée ? Est-ce qu'entre la mouche tsetse, la cécilie, etc. La mouche, c'était rouge. Non, ce n'est pas elle qui fait du lait rouge. Ce n'est pas non plus la Cécilie, ce ne sont probablement pas les dinosaures, même si on a très très peu de manières une de grenouille. Savoir. On n'a pas fait les grenouilles. Et toujours pas. Une cochenille. Non plus. La réponse est le flamant rose. À l'éclosion, en effet, les poussins du flamant rose n'ont ni le bec courbé, ni le plumage rosé caractéristique de leurs parents, car ils naissent d'une part totalement gris et avec un bec droit et court. Pour le plumage, vous savez peut-être déjà que la couleur traditionnelle du plumage des flamants roses est due à leur alimentation, riche en crevettes salines qui sont elles-mêmes gorgées de caroténoïdes. C'est donc progressivement, durant plusieurs années, que les plumes des flamants vont accumuler ces pigments pour prendre leur teinte rosée. Mais le bec court des poussins n'est pas adapté au filtrage des crevettes, et ce sont donc les parents flamants roses qui sont contraints de nourrir leurs petits d'un lait de jabot. Et ce lait, il est donc riche en pigments de quarantaine, mais aussi en globules rouges, ce qui lui donne une couleur rouge brique cette fois-ci, et donne parfois l'impression que les flamants se bouffent entre eux, ou en tout cas se nourrissent de leurs poussins, c'est assez dégueulasse. Et cette période de lactation est si intense que les deux parents vont eux-mêmes progressivement perdre leur couleur rose en sacrifiant leurs réserves pour la croissance de leurs petits. Il y a d'ailleurs une vidéo internet qui a fait le buzz très récemment et qui a persuadé des internautes qu'un flamant nourrissait son poussin du sang jaillissant d'une plaie ouverte du crâne de son congénère, alors en fait qu'il s'agissait tout simplement de deux parents, donc un mâle et une femelle, qui avaient trouvé une méthode originale pour abreuver de concert le progéniture, puisqu'il y avait la femelle ou le mâle qui était en train de nourrir le poussin, et l'autre qui faisait couler du lait de jabot sur le crâne de son partenaire pour qu'il y ait double dose dans le bec de leur petit poussin. Et c'est donc sur cette révélation qui était loin d'être soupe au lait que je cesse d'agiter le chiffon rouge sur ces considérations pseudo-lactées. Ah, c'est ce qui vient avec tes chroniques, c'est qu'il ne faut pas manger avant, quoi. J'invite donc les auditeurs du podcast à aller regarder sur les notes d'émission ou sur mon blog, je ferai un billet avec les 31 images qui ont été diffusées de main de maître d'Eléa sur la chatroom avec beaucoup d'images un tout petit peu gore. Moi j'ai une question, mais du coup est-ce que, parce que là tu dis que le fait qu'ils ont du sang rouge vient du, enfin ils ont du lait rouge vient du fait qu'ils bouffent beaucoup de crevettes. Mais est-ce que si un mammifère, par exemple, se met à bouffer beaucoup de choses, beaucoup de carottes ou beaucoup de crevettes, est-ce que lui aussi, ça va changer la couleur de ses fluides corporels ? Alors, pour le coup, les pigments sont ici stockés dans les plumes. Et je ne sais pas exactement comment ces pigments sont resollicités. C'est une bonne question, parce qu'au fur et à mesure, les plumes se décolorent. Pour garnir justement... alors, est-ce que ces pigments et ces plumes gardent une certaine réserve, ou au contraire, tout simplement, c'est que ce sont des pigments qui ne sont pas pérennes et donc il faut renouveler par l'alimentation fréquemment pour que les plumes restent roses. Donc ça, je n'ai pas la réponse à cette question, mais toujours est-il que c'est bel et bien l'alimentation de ces animaux qui change les fanères, et je crois qu'il y a certains mammifères qui ont leur pelage qui change en fonction de leur alimentation, mais j'ai pas d'exemple en tête. Il y a pas mal de questions sur les crevettes roses. Et encore ouais. Une question dit, les crevettes sont roses que quand elles sont cuites, du coup les flamands font cuire les crevettes. Alors il ne s'agit pas des crevettes qu'on connaît nous, même si les crevettes qu'on mange, elles, ont... révèlent leur pigmentation à la cuisson. J'en avais parlé un tout petit peu justement de ce qui fait que les homards et les crevettes ont une pigmentation rouge ou rose à la cuisson. C'est tout simplement parce que leur cuticule est riche en pigments bleus, notamment la crustocyanine, qui, à la cuisson, se transforme et donne un pigment rouge. Ce n'est pas exactement la même chose. Et ici, les crevettes, c'est un nom très très générique que j'utilise pour parler d'une espèce qui s'appelle les artémies, et qui sont des crevettes microscopiques, très loin morphologiquement de celles qu'on connaît, qu'on déguste. Ce n'est pas les gambas, quoi. Alors juste pour regarder sur ce que tu disais sur le changement de couleur, chez l'humain, apparemment, c'est possible de faire une caroténine quand tu bouffes trop de carottes. Ta peau, certaines parties de ta peau peuvent devenir orange, oui. C'est pas aberrant, du coup. Ouais, mais il y a pas mal de pigments directs aussi. Enfin, les crevettes, elles ont quand même des pigments roses de base. Je me souviens plus du nom officiel. Je crois qu'il y avait l'astaxanthine dans le lot. Pour ces crevettes-là, c'est essentiellement leur alimentation à elles-mêmes, des algues microscopiques qui leur donnent les caroténoïdes. Donc, c'est une sorte de réseau d'alimentation, une chaîne alimentaire qui fait passer la couleur des algues jusqu'au plumage des flamants. Est-ce que ça les rend aimables de manger des algues? On ne sait pas, mais... Enfin bref, très bien, merci Topo pour cette chronique dégueu mais super intéressante comme d'habitude. Avec plaisir, toujours plaisir. Et du coup, je pense qu'on fasse une transition monumentale entre le pas très infiniment petit, les animaux, tout ça, et un truc presque métaphysique, la couleur reine de l'univers, qui est la chronique proposée par Johan, parce que les physiciens n'ont pas la grosse tête quand ils font des titres de chronique. Non, on va pas parler de cailloux là, donc ça va être un peu... Est-ce que, donc là, je vais commencer par quelque chose que vous connaissez tous sans doute, c'est la recette des pâtes. Voilà, donc on met de l'eau à bouillir, on met du sel dans de l'eau, on attend que ça boue, après on met les pâtes, et alors, souvent, parce que si vous êtes comme moi, c'est difficile de gérer exactement la quantité d'eau avant de mettre les pâtes, du coup quand vous mettez les pâtes, bah du coup c'est quand ça boue là, ça se met un peu à déborder. Du coup l'eau, la casserole, tombe un peu sur le gaz. Vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous avez déjà remarqué? Bah non, parce qu'on est doué, on sait cuire des pâtes, quoi. Bah enfin, Vous avez jamais vu l'eau de la casserole des pâtes qui tombe sur le feu? On l'a vu, forcément. Par contre, on voit que t'es physicien et pas cuisinier, parce que là, tu viens de nous donner la recette de cuisson des pâtes, mais pas la recette des pâtes. Hein. Ouais. Ah oui, non, oui. Cuisson des pâtes. Et puis nous, on sait bien qu'il faut pas mettre de couvercle une fois que t'as mis les pâtes dans l'eau. Non, mais bref. Donc moi, je fais déborder souvent mon eau des pâtes et je sais pas si vous avez remarqué, enfant, je me rappelle de m'étonner. Est-ce que vous remarquez ce qui se passe quand l'eau des pâtes tombe sur le gaz? Ça fait pchit. Ça fait pchit et ça fait pchit jaune. Ah bon? Jaune. Vous avez jamais remarqué? Point du tout. Ah non. Pas parce que encore une fois, nous on se cuit des pâtes chez nous en tout cas. Mais... Quel rapport avec l'émission rouge du coup? Je vais pas enfoncer le clou, mais quand même. Donc voilà, quand l'eau des pâtes crame sur l'eau, ça devient jaune. Pourquoi l'eau des pâtes? Ben essayez, voilà. Et en fait, la réponse, ça n'a rien à voir avec l'eau ni avec les pâtes. C'est en fait, ce que vous voyez, c'est l'émission du sodium, exactement, un des deux atomes qui composent le sel, NaCl. Voilà. Donc j'ai rien compris, le sujet de ce soir, c'est le rouge, pas le jaune. Alors pourquoi je parle de jaune? Et en fait, ce que je remarquais étant enfant, c'est que les atomes brillent d'une certaine façon lorsqu'on les excite, et c'est l'une des premières mesures d'un effet quantique qu'on découvre plus de 100 ans avant l'invention de la mécanique quantique. Attends, rassure-moi. Quand tu étais enfant, tu regardais les atomes émettre... Non, mais ce que je voyais, je ne le savais pas encore. Non, je n'étais pas... voilà. J'ai pas commencé à dire... ça, c'est un effet quantique. Et donc, bah, les premières études de la couleur, en fait, ça remonte à Newton, voilà, comme beaucoup de choses. Donc, jusqu'à Newton, on pense que la lumière, la couleur, c'est un attribut des objets. Comme un objet a une masse, il a une couleur. Et Newton fait les premières études, donc avec des prismes, et il s'aperçoit d'une autre réalité. Donc, il met un prisme devant la lumière solaire, et il s'aperçoit qu'il y a des couleurs qui apparaissent en traversant. Donc là, comme c'est pas des couleurs... attributs de l'objet, c'est pas des couleurs qui sont attributs de la table. Quand voilà, il parle de couleurs, d'apparitions de couleurs fantomatiques, et donc il les appelle les couleurs spectrales, qui est donné spectre. Voilà. Donc ces couleurs spectrales, c'est les couleurs qui apparaissent quand on éclate la lumière du soleil. En fait, du coup, ce qu'il a découvert là et la théorie qu'il va développer, c'est qu'en fait les couleurs sont dans la lumière, et en traversant des milieux ou en se réfléchissant sur certains objets, la lumière change, se réfléchit de façon différente, et en fait toutes les couleurs sont déjà dans la lumière, c'est pas un attribut de l'objet, c'est la lumière qui donne les couleurs. Ce qui m'a fait réfléchir d'ailleurs au problème philosophique en faisant cette chronique, c'est est-ce que si un objet n'est pas éclairé, est-ce qu'il a une couleur? Et en fait c'est ce que fait un prisme. Un prisme, c'est juste un triangle de verre. Et lorsque la lumière change de milieu, bah, du coup, elle a tendance à être déviée. C'est l'expérience classique où vous mettez une paille dans un verre d'eau et puis vous avez l'impression que la paille, elle est tordue. Voilà. Bon, bah, c'est la même chose, voilà, quand vous avez dans un, entre le prisme, entre le verre et l'air. Et puis, bah, comme vous mettez deux changements de milieu, un à l'entrée du prisme, un à la sortie du prisme, ça fait deux déviations qui est pas la même selon les couleurs. Et du coup, ça fait changer, on va éclater la lumière en un joli arc-en-ciel. C'est ce que fait Newton. Et du coup, on transforme une information de couleur en une information spatiale. Du coup, on n'est plus à dire « Ah bah oui, là, je vois un peu de jaune et un peu de bleu. » On dit « Ce truc émet du jaune à cet endroit-là de la table, du bleu à cet endroit-là de la table et du rouge à cet endroit-là de la table. » Du coup, c'est le moment, en fait, où on commence à comprendre, à pouvoir étudier la couleur en physique autrement que ça a l'air bleu à l'œil. Là, on commence à pouvoir le mesurer sur une table, le transformer en information spatiale, c'est le moment où on le mesure. Donc, après lui, les physiciens commencent à mettre des prismes partout pour éclater la lumière dans toutes les directions. Certains le font en cramant des machins, comme benzène, dont vous avez entendu parler si vous avez fait un peu de chimie. Donc, benzène a passé sa vie à faire cramer des machins, et il a inventé le... Bec benzène. Le bec benzène, voilà. Pour faire cramer des machins, voilà. D'ailleurs, si vous avez, sans avoir même besoin de bec benzène, avec une bougie, vous pouvez reconstituer cette raie du jaune là en mettant du sel dessus. Donc ça a été remarqué par la première fois par le physicien écossais Melville. Donc en fait, lui, ce qu'il fait, c'est un mélange de sel avec de l'huile et puis il le fait brûler dans une lampe à huile. Il en déduit la même chose que moi face à la casserole de pâte. Donc je cite Melville, « J'ai examiné la constitution de ces différentes lumières, des flammes de lampes à pétrole remplies d'alcool mêlées à des sels dissous, avec un prisme, et j'ai vu que toutes sortes de rayons étaient émis, mais pas en quantité égale, le jaune était largement plus intense que le reste assemblé. » Et donc en fait, ce qu'il vient de découvrir, c'est la raie du sodium. Donc ça veut dire que en fait voilà, il y a certains, quand on fait brûler certains atomes, en fait ils émettent dans un endroit très spécifique. Donc peu de temps après lui, au début du 19e siècle, le physicien allemand Fraunhofer, qui est un opticien absolument fondateur de l'astronomie, va étudier vraiment très en détail cette décomposition de la lumière. Donc il fait des immenses crée des spectres, donc ces couleurs fantomatiques du soleil. Donc il diffracte la lumière du soleil avec ses prismes, avec enfin des objets beaucoup plus compliqués, des instruments beaucoup plus compliqués que des prismes d'ailleurs, mais qui faisaient à peu près la même chose. Et il va faire des observations très précises, toujours du soleil, et il s'aperçoit que la lumière est pas vraiment continue, il y a des trous en fait, des bandes noires à des endroits où il y a plus rien. Donc voilà, il va noter les principales, donc il les classe avec des lettres A, B, C, D, etc. Et parmi ces raies, en fait, il retrouve que en fait la raie du sodium, celle de la casserole des pâtes, en fait c'est la raie D. Donc en fait il y a un truc qu'on commence à comprendre, c'est que dans un cas il y a des raies noires, dans l'autre cas il y a des éléments qui des trucs où des fois on les fait cramer, il y a que ces raies là. Et puis quand on observe le soleil, on voit l'inverse. On voit certains endroits où il manque, on voit un truc continu, sauf à certains endroits. Voilà. Et le rapprochement des personnes du coup qui brûlent des bidules et ceux qui regardent la lumière du soleil commence à faire sens. Et certaines couleurs très spécifiques sont associées à ces éléments. Et donc, le physicien Kirchhoff comprend alors ce qui se passe et il exprime des lois. Donc, les trois lois de la spectroscopie de Kirchhoff qui sont: un objet chaud incandescent produit un spectre continu. Donc là, on peut penser à un objet chaud incandescent, on peut penser à une barre de métal, mais on peut aussi tout simplement penser au filament d'une ampoule. Enfin, une ampoule ancienne génération, pas une ampoule basse consommation, voilà, mais une ampoule ancienne consommation, c'est finalement un objet chaud incandescent, donc ça, c'est un spectre continu. Un gaz que l'on chauffe produit un spectre de raies de différentes longueurs d'onde, mais non continu, dépendant du niveau d'énergie des atomes du gaz, voilà. Et donc ça veut dire, voilà, c'est ce que ça veut dire, c'est-à-dire que si vous faites une lampe à sodium, par exemple, ben là, ça ne va pas émettre partout, elle va émettre principalement dans le jaune, et puis à d'autres endroits, mais c'est discontinu. Et l'autre opposé de ça, c'est si on fait passer une lumière continue, donc un filament d'une ampoule par exemple, à travers un gaz froid, c'est le contraire, on va voir quasiment tout, comme si on voyait, sauf à les endroits qui sont arrêtés par le gaz froid. Voilà. Bon, la raison pour laquelle qu'ils ne comprennent pas encore, parce que c'est le 19e siècle, mais là on voit, c'est le début de l'apparition des effets quantiques, c'est en fait que les atomes ont des niveaux d'énergie quantifiés. un peu comme un piano. Vous voyez, sur une guitare, là, vous pouvez descendre votre doigt sur la corde de la guitare et ça fait oui. C'est bien parce que un peu comme un piano. Donc, si vous prenez votre guitare, comment tu joues d'un instrument ? Comme tu fais des pattes ou comment ça se passe ? Soit tu joues juste, soit tu joues de Zigane. Moi, j'ai pas tellement le choix, je joue de Zigane. Très bien. Donc, pardon, excuse-moi. Donc, comme une guitare. Alors, donc, tu prends une guitare, si tu balades ton doigt le long de la corde, tu peux faire un continuum de son. Mais si tu joues un piano, t'as pas le choix, t'appuies sur des touches. Du coup, si t'appuies sur le piano, t'as juste certains endroits qui sont activés. C'est pour ça que il vaut mieux mettre vos gamins au piano qu'au violon. Ça sera beaucoup plus juste, beaucoup plus rapidement. Donc, les atomes se comportent pas comme des guitares. C'est pas continu. Il y a pas toutes les fréquences. Ça se comporte comme des pianos. Il y a qu'un certain nombre de fréquences qui sont accessibles. Voilà. Éclairez-les et ils absorbent ce niveau d'énergie. Du coup, ce niveau d'énergie, ça va les faire monter dans une certaine énergie, les électrons de ces atomes. Et du coup, ça va bloquer cette lumière-là qui arrive. Et puis, au contraire, si vous les chauffez, ils vont avoir tendance, les atomes, en se désexcitant, à émettre spécifiquement dans ces niveaux d'énergie-là. Tous les trucs sont pas... Voilà. Et donc, en quelques années, donc Robert Bunsen, l'inventeur du bec Bunsen, et Kirchhoff, de 1861 à 1863, en fait, identifient les raies de Fraunhofer, donc dans le spectre de flamme, de 30 éléments différents, en le comparant avec les raies de Fraunhofer. Ils sont capables d'identifier les éléments dans l'atmosphère du Soleil, en fait. Ils disent, y a ça et ça dans l'atmosphère du Soleil. C'est la naissance, du coup, de l'astronomie spectrale. Et en fait, c'est la majorité de l'astronomie à ce jour-là, en fait. On fait très peu d'images, en fait, en astronomie. On fait surtout des spectres, parce que c'est ça qui nous apprend qu'est-ce qu'il y a dans les étoiles, qu'est-ce qu'il y a dans les planètes, qu'est-ce qu'il y a dans les galaxies, etc. Et donc... Pour finir, sur le rouge, la reine des raies, la raie la plus brillante de l'élément le plus présent dans l'univers, c'est la raie H-alpha. Donc H parce que c'est la raie de l'hydrogène et alpha car c'est la raie la plus brillante dans le visible. Donc cette reine des raies se trouve exactement à 656,281 nanomètres. Donc ça correspondait, je crois, à la raie F qui avait été découverte par Fraunhofer, là, au 19e siècle, voilà. Et en fait, on s'aperçoit que, en observant cette raie, en fait, si on observe très spécifiquement à cet endroit-là l'univers, on voit un univers qui est totalement différent, mais qui est aussi très intéressant parce qu'on voit, en fait, tous les effets de l'hydrogène dans l'univers. Donc, par exemple, si vous observez le Soleil avec cette raie, donc je vous ai dit tout à l'heure que c'était une raie absorbée, en fait, ce qui se passe, c'est le Soleil émet un spectre continu. Et les couches supérieures du Soleil, l'atmosphère du Soleil, qu'on va appeler spécifiquement la chromosphère, une étymologie, c'est la couche colorée, voilà, c'est pour cette raison-là. Et donc, en fait, cette couche-là, en fait, va arrêter, parce qu'elle est majoritairement constituée d'hydrogène, va arrêter, et du coup, c'est ce qui fait que vous allez bloquer la lumière spécifiquement à ce continu. C'est pour ça que vous avez une raie noire à cet endroit-là. Mais si vous observez le Soleil spécifiquement avec un filtre très très précis sur cet endroit-là, en fait, vous allez voir principalement cette couche extérieure d'hydrogène du Soleil. Et donc, vous allez pouvoir observer les filaments créés par les boucles du Soleil, les grandes taches créées par le champ magnétique dans la structure externe. Et du coup, à l'inverse, si vous regardez des nébuleuses avec ce filtre, donc très centré sur le rouge, sur la raie H-alpha, c'est l'endroit où vous verrez principalement du coup des grands nuages de gaz. Donc les étoiles, donc les nébuleuses, c'est ce qu'on appelle les pouponnières d'étoiles, c'est les endroits où les étoiles commencent à se former, donc c'est des grands nuages de gaz. Les premières étoiles qui commencent à allumer, en fait, on va avoir tendance à envoyer des rayons très énergétiques, en fait, dans ce gaz, et donc à exciter les atomes de gaz tout autour. Donc, en regardant spécifiquement dans cette raie, vous allez voir tous les atomes de gaz de ces grandes nébuleuses excités par ces atomes. Voilà. Donc, j'ai oublié de mettre les images, mais je vais vous mettre quand même. Hop. Les deux images du coup du Soleil et la nébuleuse M42 en H-alpha. Et donc c'est pour ça que donc ce filtre H-alpha est non seulement utilisé pour tout ce qui est études, principalement pour les étoiles jeunes en particulier, mais aussi pour le Soleil, et aussi pour énormément par tout ce qui est astronomie amateur. Quand on l'avait invité il y a quelques semaines, Stéphane Guizard, pour nous parler des plus belles images de l'univers, c'est le filtre par expérience de le filtre par excellence de l'astronome amateur. C'est celui qui fait ressortir les plus belles structures, les nuages de gaz dans l'univers, qui font partie des plus belles photos que l'on a. Voilà, c'est tout pour moi ce soir. Fantastique. Merci. Oh. Il y a une seule question de Nive qui demande si c'est pas un des étudiants de Bunsen qui a inventé le bec Bunsen. Et bon. Non, je n'étais pas au courant. Tu sais, moi, la chimie, c'est pas mon. Bam. Règlement de compte. Moi, je suis plutôt des côtés des gens qui observent le soleil, des spectres, que les gens qui font cramer des trucs avec des bec Bunsen. C'est pas impossible que c'est pas lui qui. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il a passé sa carrière à faire cramer des machins. Mais après, pour trouver ces raies-là, c'est lui qui a cartographié ces raies-là. Mais je ne sais pas, effectivement, je peux vérifier tout de suite. Comme ça, la vérité sera avec Bunsen. Nive nous dit, on attribue à tort son invention à Robert Wilhelm Bunsen. Le bec Bunsen ne lui doit son nom que parce que son assistant de laboratoire, Peter Desaga, avait perfectionné en 1855 un modèle créé par Michael Faraday. Et bah donc, oui, il a raison, Nive, effectivement. Le bec Bunsen n'a pas été inventé par Bunsen, bien qu'il ait passé sa vie. Il n'était pas assez mégalo pour donner son nom à ce truc. Non, malheureusement, c'est. Bref. Et sinon, nous avons encore une question qui nous dit, est-ce que sur un petit télescope amateur, on peut mettre un filtre pour voir le spectre, genre un réseau ? Alors, j'ai pas parlé des différents trucs des différents types de filtres. Effectivement, donc oui, sur un petit télescope, on peut mettre des filtres. Il y a beaucoup de filtres. Alors, faites très attention, n'observez pas le soleil avec votre petit télescope, sauf si vous savez ce que vous faites. C'est un truc à s'éclater les caméras avec lesquelles vous prenez des photos et puis votre œil, voilà. Donc, faites attention à ce que vous faites si vous observez le soleil. Mais oui, il y a des filtres H-alpha pour observer sur les petits télescopes. C'est un des premiers filtres, sans doute, qu'on achète si on veut faire de l'astronomie amateur. Alors, les différents types de filtres, effectivement, c'est-à-dire qu'en fait, il y a pas mal de façons de faire des filtres. Et une façon de pouvoir faire des filtres, c'est de faire en fait des interférences sur la lumière qui arrive, donc avec des trucs un peu plus compliqués, avec des réseaux, etc. D'ailleurs, c'est ce que faisaient... Certains de ces trucs-là ont été inventés par Fraunhofer, dont je parlais tout à l'heure. Fraunhofer, qui était un opticien absolument génial, qui est finalement... en tout cas, moi, dans mon domaine, il est plus connu pour ses avancées à l'optique que pour vraiment ses observations du soleil, en fait. Donc, il a fait beaucoup de choses. Et son père était vitrier d'ailleurs, donc souffleur de verre, donc il a développé ces trucs-là, ces instruments d'optique, parce qu'il avait une formation de souffleur de verre. Voilà. Et sinon, on a eu un concours de raies, puisque on pourra remarquer que tu n'as parlé ni de la raie Manta, ni de la raie Bradbury, ni de la raie Auburn, ni de la raie d'autobus. Non, l'aéroport, voilà, la réduction, la réforme, la rémise en famille, la révolution, la réponse, la restriction, la réplique. Tout ça, tu n'en as pas parlé. Voilà, il se passe des trucs importants dans la chatroom. Venez en live le mercredi soir. je ne sais que répondre. Oh. Je pense que tu peux t'abstenir, c'est bon, on peut passer à la prochaine chronique, je pense. Merci beaucoup pour cette chronique astronomique avec beaucoup de rêves. Attends, t'as quand même oublié la critique de la raison pure, quand même. C'est vrai, la critique de la raison pure était très intéressante dans le concours. Très bien, merci Joanne, et je propose qu'on enchaîne tout de suite avec la chronique de Cléora qui va nous parler un peu de rouge et de psychologie. Ouais, et ma chronique s'appelle « Le rouge, ça rend fébrile ». Donc voilà l'affirmation un peu aguicheuse et putaclic de ma chronique psychologique. Et encore, j'ai failli l'appeler « Le rouge, ça rend débile ». Oui, débile, carrément. Quelqu'un qui passe un test cognitif, un test parmi l'évaluation du QI par exemple, mais qui voit préalablement du rouge, il est bien moins performant que quelqu'un qui voit préalablement une autre couleur. En sachant cela, on pourrait donc dire que le rouge, ça rend un peu concon. Ça rend un peu débile. et ce n'est pas moi qui l'invente, hein. C'est ce que certains chercheurs appellent vulgairement l'effet débilitant. Donc pour observer ce phénomène de manière significative, pas besoin que tout le laboratoire se repeint rouge durant l'expérience. Non, non. Il suffit juste d'un simple rectangle colorié sur une feuille de papier. C'est ce qu'a utilisé Vincent Payen durant sa thèse sur les effets psychophysiologiques de la couleur rouge. Pour cette chronique, j'ai principalement suivi son écrit plutôt complet, et en plus d'être francophone, que ça va plus vite. Je vous partagerai ça dans une autre émission, c'est plutôt pas mal à voir. Il reprend notamment tous les travaux autour d'Andrew Elliott, enseignant et chercheur psychologue à l'université de Rochester, avec qui il a collaboré et qui est un peu la référence dans le domaine des motivations d'approche et motivations d'évitement. Donc le rouge, ainsi, nous rend fébrile, psychologiquement. Première nuance toutefois à souligner, ce n'est pas n'importe quelle tâche cognitive utilisée. Et ça fait écho à ce qu'on a déjà évoqué dans ma chronique sur le blanc, l'épisode 443. En tâche cognitive créative, la tâche cognitive créative est mieux réussie sur un fond bleu, alors qu'à l'inverse, une tâche cognitive très analytique et descriptive, et pas créative du coup, a tendance à être mieux réussie sur un fond rouge. Donc du coup, de fait, pour confirmer ce dit effet débilitant, Vincent Payen a utilisé un test cognitif qui n'est pas descriptif ni analytique. C'est un test typique de l'évaluation du QI sur la mémoire de travail, demandant de manipuler des informations, quelque chose de plus fluide en fait. Il a donc étudié les performances à ce test chez la même personne, sans exposition de couleur, et puis après, avec l'exposition d'une couleur. Une exposition très furtive, hein, voire même implicite. C'est comme si c'était sur la page de garde d'un classeur que vous tournez ensuite pour réaliser les tests. Encore une fois, ça reste une exposition implicite. Personne ne lui écrit dans le laboratoire et regarde, c'est du rouge. Hein. Non, non. Il voit qu'il sait bien, c'est du rouge, puis après il va faire son test. Rouge ou une autre couleur d'ailleurs, car un autre groupe avait la couleur bleue, et un troisième groupe avait quelque chose de gris, ou plutôt d'achromatique en fait. Et les résultats confirment ce qu'on sait déjà, un peu dans la science, que le groupe ayant perçu la couleur rouge, avant de passer le test cognitif, perd davantage en performance cognitive, c'est-à-dire qu'ils échouent plus au test. En gros, être exposé au rouge, ça rend concon. Voilà. Tout ceci est corrélé en plus et confirmé par une composante physiologique, la variation de la fréquence cardiaque. En fait, après avoir passé le test cognitif, la personne se repose en mesurant sa fréquence cardiaque. L'électrocardiogramme des participants ayant été exposés par la couleur rouge, qu'on le voit, n'est pas très enjoué, il n'est pas très varié. La fréquence cardiaque, en fait, est très monotone par rapport aux autres participants. Voilà ce qu'on en tire en gros. Donc, en gros, on a un élément cognitif et un élément physiologique qui sont perturbés par des stimuli rouges. C'est tout, juste par un stimuli en voyant la simple couleur rouge. Mais c'est pas tout. Mieux encore, dans une autre étude de la même thèse, il a aussi étudié la force musculaire explosive, c'est-à-dire en gros la force musculaire par à-coup et pas sur la durée, au maintien par en fait. Et il remarque que le fait d'être préalablement exposé au rouge fait chuter la performance musculaire. Je répète, surtout parce que je trouve ça encore plus dingue, quoi, parce que c'est pas juste cognitif ni physiologique, c'est carrément une force musculaire de la volonté, en fait. La simple présentation d'un rectangle rouge inhibe, à terme, la production de forces volontaires. Le rouge, ainsi, nous rend fébrile, aussi physiologiquement, et voire physiquement avec les muscles. J'ai toutefois une deuxième nuance à souligner. Ce résultat est vrai uniquement après un laps de temps, après avoir été exposé à la couleur rouge, donc après un temps de latence. Car dans l'immédiat, le rouge stimule les muscles. Ce n'est qu'ensuite qu'on perd de la force musculaire. Pour donner une image, être exposé au rouge est similaire à être exposé à un danger éloigné. Si vous voyez au loin un prédateur, vous allez d'abord avoir un coup de sang, un coup d'adrénaline, où le cœur s'emballe de surprise et vos jambes s'apprêtent à détaler pour fuir. Donc, dans l'immédiat, être exposé au rouge ou au danger, donc, stimule la motricité. Ce n'est qu'ensuite, après cette phase de surprise, on peut dire, quand l'anxiété entre en jeu, que les performances musculaires en sont perturbées. Pour citer Vincent Payen, qui est souvent très clair dans ses propos, une menace à distance provoquerait une réponse motrice passive inhibant la performance motrice. En gros, c'est le cerf ou le lapin que vous surprenez au loin, il va lever ses oreilles et devenir immobile en se disant « Ok, ça se trouve, il m'a pas vu, je bouge plus, il m'a pas vu, je bouge plus, enfin, dans le doute, je bouge plus, sinon on va le moindre bruit et je vais l'attirer ce trou du... » Enfin, voilà, du coup, ce que je viens d'anthropomorphiser, là, c'est un peu l'anxiété. Elle est une explication à l'effet débilitant, justement. ce qu'on a expliqué plus tôt. Je ne suis pas performant en test cognitif car je suis anxieux. Je ne suis pas assez concentré sur la consigne demandée. Je pense trop à la possibilité d'échec qui peut en découler, etc. Quelque chose d'anxieux. On devient donc littéralement fébrile. Sur tous les plans, donc, cognitif et physiologique. On adopte un comportement d'évitement. Pour remettre la cascade de causalité dans le bon sens, on a donc d'un côté le stimulus et de l'autre le comportement. Le stimulus génère un comportement. Voilà, ça c'est simple. Donc d'un côté, stimulus et comportement. Donc d'un côté, l'exposition d'un rouge menaçant, le stimulus, et de l'autre, nos comportements fébriles, nos comportements d'évitement. Entre les deux, il y a nous et notre cerveau qui traite l'information et génère ses comportements. Là-dedans se vit toute la psychologie. Et le mot qu'on vient de mettre dessus est donc l'anxiété. On dit plus généralement une motivation évitée ou la motivation d'évitement. Mais restons sur l'anxiété, c'est plus simple à se rappeler. Tout ça à cause du rouge, donc parce qu'on le perçoit inconsciemment comme un danger. Mais du coup, pourquoi? Pourquoi on perçoit le rouge comme un danger? Genre c'est physique? C'est la longueur d'onde de la couleur qui perturbe l'être humain? Là-dessus, la réponse est négative. Car au lieu de voir avec les yeux la couleur rouge, le résultat est similaire si on évoque simplement le mot rouge. Le mot, sans percevoir la couleur, en fermant les yeux en gros. Ainsi, pour trouver la réponse du pourquoi, c'est quelque chose qui se passerait plus en profondeur encore, dans notre petite tête, au milieu de nos neurones et nos humeurs. Encore une fois, tout est une question d'association. Je l'ai déjà évoqué d'une chronique précédente sur le bleu. Donc je le rappelle ici, en psychologie, une association est le fait de lier deux représentations ensemble. Exemple basique, pour nous occidentaux, le bleu pour les garçons et le rose pour les filles. Voilà deux exemples d'association. Et en clair, pour ce qui est du rouge, c'est parce qu'inconsciemment le rouge est associé au danger qu'en découle de l'anxiété. Et vous alors, je vous pose la question dans l'équipe, vous l'associeriez avec quoi le rouge vous? Le rouge, le ça va vite. Le communisme. J'en parle un petit peu. Ouais. Le sang. Le sang, ouais. Donc, justement, je vous ai un peu posé la question car je n'ai dévoilé qu'une facette des associations du rouge, celle associée au danger, donc du sang, etc. Mais il y a bien évidemment d'autres facettes dans l'humanité. Tout dépend, en fait, de l'histoire de la personne, sa culture, sa psychologie, comme on dit. Ça, c'est un petit A. Et un petit B. Du contexte dans lequel le rouge est évoqué. Donc il y a une partie qui est plus contextuelle, environnementale, on peut dire même sociologique, et une partie plus psychologique liée à l'histoire de la personne. Ce sont deux facteurs qui vont évoluer sur les associations qu'on va lier avec la couleur rouge. Dans sa thèse, Vincent Payen a tenté d'explorer ces notions interindividuelles, c'est-à-dire entre les individus, c'est-à-dire entre les cultures, entre les individus, ça change. Pas de grande conclusion à en tirer, si ce n'est une. Chez les personnes qui ont une culture chinoise, le rouge est davantage associé à la positivité et au bien-être. Et du coup, le rouge n'inhibe pas les performances musculaires suite à son exposition, contrairement à nous, par exemple, à notre culture occidentale. Malgré cette anecdote asiatique assez isolée, de manière générale, dans le monde, le rouge est associé à l'agressivité, le danger, le sang, la violence. Et par extension même, on pourrait dire au courage, l'indépendance, la révolution, la lutte contre l'oppression et la tyrannie. Bref, des symboles donc de communisme qu'on retrouve souvent aussi en gauche politique. Ça, je pense que vous l'avez déjà remarqué. Mais on peut aller encore plus loin. Qu'en est-il à l'échelle des pays, carrément? Par exemple, sur 192 drapeaux nationaux, 151 ont du rouge sur les drapeaux. Ça fait d'elle la couleur la plus représentée sur les drapeaux. Et ça, c'était pas la couleur de Rome aussi, d'ailleurs? Aucune idée. C'est la couleur de... Enfin, dans les péplums, ils se baladent pas avec du bleu, quoi. C'est... Non, je sais pas. Je sais pas du tout. Donc sur 192 pays, on a quand même 150 pays qui ont un drapeau avec du rouge dessus. Et sa symbolique tourne très majoritairement autour des mêmes connotations qu'on a vues avant, celle du sang du peuple, de l'agressivité ou de la révolution. Selon certains chercheurs, cela mettra en évidence que pays ou nations sont en compétition. Alors qu'à l'inverse, plus étendu que les nations, les drapeaux des organisations mondiales n'ont que très rarement du rouge. Pensez à celui des Nations Unies, ou même celui de l'Europe. Hein. C'est le bleu de la paix qui prédomine. Le rouge agressif est totalement absent. Pour revenir à notre petite échelle, dans notre vie tous les jours, donc, quand il n'y a aucun contexte ou que le contexte est celui d'accomplir quelque chose, donc là, je mets bien l'accent sur un contexte de quelque chose, comme un test cognitif, donc quand on a essayé d'accomplir quelque chose comme la performance, on cherche la performance de quelque chose, ou gagner un match, par exemple, le rouge est synonyme de motivation, d'évitement. On peut penser aussi aux évaluations, penser au stylo rouge des enseignants, ou au panneau de signalisation, ou tout bêtement au sang, comme on l'a vu avec Irène avant. Le rouge, c'est alerte danger. C'est choisir quelque chose de plus facile, car on se sent dévalorisé. C'est détecter plus rapidement les petites merdouilles, les erreurs, ce qui ne va pas. C'est focaliser son attention sur les moindres petites choses, être en alerte maximale, bref. Être en état d'anxiété, comme on a dit avant. Même nos expressions quotidiennes reprennent l'idée. Quand on voit rouge, c'est qu'il y a quelque chose qui nous agace. Quand on est dans le rouge, c'est lorsque on sent débordé ou dépassé par les événements. À noter que certaines études présupposent des dispositions biologiques carrément, à ce que le rouge soit automatiquement lié au danger. Donc ce serait encore plus ancré et profond que nos associations apprises au cours de la vie, car ce serait carrément encodé dès qu'on est né. On évoque aussi des liens entre rouge, testostérone, domination et agressivité. Cela fait encore une fois écho à ma dernière chronique colorée, où il fallait mieux être team rouge que team bleu pour gagner. Le rouge, c'est pouvoir dominer et provoquer de l'anxiété. Mais, toutefois, néanmoins, cependant, ce n'est pas le cas de toutes les situations, de tous les contextes, comme on l'a dit avant. Car c'est vrai, quand le contexte est flou ou dans un contexte d'accomplissement, donc d'accomplir quelque chose, une performance, mais dans un contexte de séduction, alors là, c'est tout un autre débat. C'est pas parce qu'on recherche, on trouve des choses que c'est vrai pour toutes les situations. Hein. Dans notre cas, ça dépend de la culture, de la population, comme on l'a rapidement évoqué avec la culture chinoise, mais aussi du contexte d'évaluation. Dans un contexte de séduction, ce n'est plus une motivation d'évitement, mais c'est une motivation d'approche qui est enclenchée. Nos joues rougissent, prennent des teintes rosées, le radar de séduction est activé, notre antenne se dresse d'une lumière rouge affichée, notre cœur s'emballe, une rose rouge à la main ou entre les dents, enfin, comme vous voulez. Le rouge sert aussi à séduire et de mettre en avant sa générosité ou sa beauté. Pour conclure, le rouge, ça rend fébrile. Que ce soit devant la couleur du sang ou une rose rouge pour les yeux d'un joli garçon ou d'une jolie fille. Ne vous évanouissez pas, ne perdez pas le fil. Même un bébé ne sait pas où donner de la tête devant un stimulus rouge qui brille. Est-ce piquant ou doux? Ne sachant quoi faire, même un bébé devant un stimulus rouge, il ne sait pas comment l'approcher, si ça peut être tactile. Quand on y pense, c'est quand même fou. Il y a deux comportements, il y a deux motivations opposées, l'une d'approche et l'autre d'évitement. Et pourtant, toutes les deux, on arrive à avoir une même couleur qui ressort comme un stimulus imposé. Le rouge. Une rose rouge, ça pique ou ça sent bon? Peut-être les deux, Ça fait une petite transition pour LR. Super. Merci beaucoup. Bien joué. Merci de me tendre des perches. Mais alors, je rêve, dans ton texte, tu nous parlais de notre antenne se dresse d'une lumière rouge affichée. C'est bien. Oui. De quelle antenne tu parlais exactement? C'était fait exprès pour avoir un petit air poétique. D'accord, ok. Bon. Mais du coup, j'ai quand même une question, parce que si c'est culturel et que effectivement, je comprends bien qu'en Occident, par exemple, on considère que le rouge, c'est le sang, la nervosité, tout ça, tout ce qui va vite, j'entends bien, mais alors pourquoi il y a des différences interindividuelles entre les couleurs préférées, par exemple? Parce que quelqu'un qui a une couleur préférée, c'est quand même une couleur qui va, l'apaiser et tout ça, et tu peux avoir le même background culturel et pourtant ne pas aimer les mêmes couleurs. Est-ce qu'il y a des études là-dessus? Alors, sur la préférence des couleurs, ça, il me semble qu'il y a un effet sur le sexe, déjà. Je sais que, par exemple, les garçons évitent d'avoir une couleur préférée rose, par exemple. Parce que c'est justement, il y a une association que le rose soit associé aux filles. Donc, c'est souvent lié aux associations, etc. aussi. Ok. Mais ça, du coup, c'est parfaitement culturel, on est d'accord, puisque le rose... Oui, c'est parfaitement culturel, ouais. Alors que le rouge, comme je dis un peu ça, il y a quelques indices comme quoi il y a peut-être des trucs biologiques dedans. Quoi. Donc c'est assez intéressant ce que tu as dit justement sur les pays asiatiques qui y voient plus de côté positif. il faudrait d'une certaine manière comprendre comment ça s'est installé culturellement malgré l'ambiguïté du rouge. C'est ça, si je comprends bien ta chronique. Ouais. Ouais, bah je crois que c'est plus que ça encore. C'est un symbole de chance et il me semble que les robes de mariée là-bas, elles étaient rouges et pas blanches avant qu'on occidentalise toute la procédure. Ah, ça me dit quelque chose. Ouais. En tout cas, oui, là-bas, le rouge, enfin en Chine, c'est associé à la chance, tout ce qui est positif, etc. Donc c'est carrément autre chose. Les billes. Très bien. Pas d'autres questions dans la chatroom, du coup ? Non. Eh bien, j'espère que vous êtes encore réveillés et encore avec nous, puisqu'il reste une chronique. Youpi, tralala. Et comme c'est moi qui l'ai fait... On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Ben, comme c'est moi qui l'ai fait, on va parler de plantes, sans surprise. Alors, après oui une série d'épisodes où je vous ai expliqué dans le détail, ou presque, quel type de pigment permettait de donner aux plantes leur chatoyante couleur que l'on aime tant. Pour ça, vous pouvez réécouter la chronique « Rendez-vous en terre indigo », les pigments végétaux. La dernière fois, je vous avais parlé de la couleur bleue et à quel point il était complexe d'être une fleur bleue dans le monde végétal. Cette fois-ci, j'aurais pu vous faire une chronique uniquement sur les pigments rouges. Ça aurait pu prendre 2 heures, et c'est vrai, j'aurais pu. Mais je ne vais pas faire que ça. Alors, je vous rappelle quand même que le rouge chez les plantes, c'est une couleur très intéressante et assez répandue, puisque certaines feuilles se teignent de rouge lorsqu'elles sont soumises à des variations de température ou à des stress nutritifs, ou lorsque l'automne approche et qu'elle s'apprête à tomber. Vous connaissez bien les feuilles rougeoyantes d'automne. Et pour cette couleur rouge, on a beaucoup de classes de pigments qui peuvent contribuer à cette couleur, dont les caroténoïdes, les flavonoïdes ou encore les bétalaïnes, dont le nom vient de l'espèce Beta vulgaris, la betterave. Vous connaissez probablement la bétanine, qui est une bétalaïne extraite de la betterave et qui est, si vous l'ignoriez, le colorant E162, le rouge de betterave. Alors, plein de plantes sont utilisées aussi pour teindre des matériaux en rouge, ça c'est pas nouveau, hein. Vous connaissez probablement la garance des teinturiers, qui s'appelle Rubia tinctorium. Vous connaissez probablement aussi le cartam du teinturier, Vartamus tinctorius, ou encore le roucou, Bixa aurelana, qui est ma plante à rouge préférée, puisque c'est d'elle qu'on extrait le colorant alimentaire E160B. J'en connais avec le... aucun. Moi je connaissais la garance. Ah, tu connaissais la garance, et du coup, le roucou est très intéressant, mais vous le connaissez peut-être pas sous son nom de plante, mais sous son nom de colorant, puisque c'est le colorant E160B qui sert à faire le cheddar. On a déjà une question de Lutine qui demande si la bétadine, c'est la même chose que le désinfectant. C'est la bétalaïne que j'ai mentionnée. Ah, voilà. Et la bétadine, c'est un antiseptique qui, du coup, je crois, est à base d'iode et je ne sais plus ce qui donne la couleur, mais ça vient pas d'une plante, il me semble. En tout cas, il y a plein de choses qui s'appellent un peu pareil, donc il faut vérifier. Hein, mais la bétanine est une bétalaïne, et ça vient de la betterave. Du coup, j'en profite pour vous rappeler que, d'ailleurs, qu'avant d'avoir une fonction dans notre alimentation, dans notre industrie, hein, tous les pigments végétaux ont d'abord une fonction biologique, que ce soit dans la protection de la plante contre les UV du soleil, par exemple, que ce soit dans la photosynthèse ou encore dans la signalisation des organes aux pollinisateurs ou à la dissémination des graines. D'ailleurs, en passant, la traditionnelle rose rouge que l'on offre en gage d'amour passionné est rouge non seulement grâce à une combinaison de pigments rouges, mais aussi grâce à une structure microscopique pleine de petites papilles qui augmente la réflectance du pétale, c'est-à-dire la proportion de lumière réfléchie à sa surface, qui leur fait paraître plus intense et plus rouge. Ça, c'est la fameuse couleur structurelle dont Pierre a parlé dans certains épisodes, notamment avec le papillon morpho pour la couleur bleue, par exemple. Alors, pour prendre un exemple rigolo et légèrement différent de l'exemple classique et ennuyeux de la rose rouge, reparlons de cette fameuse plante à bisous que vous voyez passer dans les top 10 des fleurs incroyables sur Internet. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle s'appelle Psychotheria elata et ça fait deux feuilles très rouges vifs qui ressemblent à des lèvres. La plante bisous. Alors figurez-vous que cette fleur que tout le monde vend dans les top 10 n'est en fait pas une fleur, c'est en réalité des bractées. C'est des feuilles modifiées à la base des fleurs qui se teignent de rouge. Et cette caractéristique permet de signaler aux pollinisateurs la présence d'un regroupement de fleurs autrement discrète. On sait désormais que certains insectes, par exemple, sont plus attirés par la couleur rouge que d'autres. Alors pour plus d'informations sur cette histoire, on vous mettra un lien dans les notes d'émission. Le rouge, c'est également la couleur prédominante dans la couleur des fruits charnus, avec le noir, et les biologistes s'échinent depuis des décennies à comprendre pourquoi les plantes à travers le monde produisent souvent des fruits de couleur rouge. La couleur apparaît souvent lors du processus de maturation du fruit, qui est un mécanisme biologique complexe qui signale souvent, lorsqu'il passe du vert au rouge, de la maturité du fruit pour le goûteur averti. Si vous voulez en savoir plus, pareil, je vous mettrai un fil Twitter en note d'émission. Bref, parler de tout ça, je pourrais le faire des heures et je pourrais vous citer des centaines d'espèces en lien avec la couleur rouge, mais ce soir, je voulais vous parler d'un peu autre chose. Et si les plantes voyaient les couleurs ? Là, vous allez me dire, des plantes qui voient, mais n'importe quoi. Mais what ? Mais what ? Merci pour, pour ton enthousiasme. Alors surtout, ne paniquez pas quand je vous dis ça. Je ne vais pas vous annoncer dans cet article qu'on a trouvé des plantes capables de produire des structures similaires à des yeux. Non, ce serait amusant, mais c'est toujours pas le cas. Mais si je vous disais maintenant que le rouge, en tant que fréquence lumineuse, est très important pour les plantes parce qu'elles sont capables de percevoir la lumière et d'y réagir. Eh bien, on a suffisamment d'informations désormais pour pouvoir le dire. Et je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors déjà, le premier indice pour affirmer cela, c'est qu'on sait que les plantes sont capables de s'orienter vers une source lumineuse. C'est un phénomène que l'on appelle le phototropisme et qui en accéléré est toujours très impressionnant puisque vous mettez une lumière d'un côté et de l'autre d'un pot, vous le filmez et vous accélérez et vous verrez qu'en poussant, les plantules vont s'orienter de part et d'autre de la lumière. Donc si vous changez la direction de la lumière plusieurs fois, eh ben, vous allez voir les plantes suivre cette source lumineuse. J'ai observé ça dans mon appartement et généralement les plantes, quel que soit l'endroit de l'appartement, essayent de fuir l'appartement parce que j'ai pas la main verte et je crois que c'est un message. Oui, c'est probablement. Elles essayent peut-être de rejoindre la fenêtre aussi parce qu'il y a plus de lumière près de ta fenêtre. Pas impossible. Et du coup, la première personne à avoir découvert et bien documenté ce phénomène, eh ben, ce n'est autre que l'ami Darwin, le seul, l'unique. Alors, avant d'être connu pour sa théorie de l'évolution, sachez que c'était un grand botaniste et qu'il est l'auteur du traité The Power of Movement in Plants, traduction, le pouvoir du mouvement chez les plantes, dont le texte intégral est disponible sur Internet. Parmi toutes ces expériences, Charles Darwin met des plantes à l'obscurité quasi totale en conservant comme seule source lumineuse la flamme d'une bougie vers laquelle s'orientent invariablement les plantes. Son hypothèse était que le sommet de la plante, de la tige, qu'on appelle l'apex, était responsable de l'orientation vers la lumière. Et donc, grâce à ces différentes expérimentations, il montre que quelque chose dans l'apex de la tige est nécessaire et suffisant pour transmettre un signal au reste de la plante et déclencher une courbure. Alors, si vous voulez que je vous donne un peu plus de détails sur l'expérience réalisée, dans un pot normal, il se rendait compte qu'une plante s'orientait systématiquement vers une source lumineuse, comme une bougie, même avec une très très faible luminosité. Ensuite, lorsqu'il sectionnait le sommet de la tige, l'apex, il constatait qu'il n'y avait pas de courbure. Donc le fait de retirer le sommet de la tige annulait l'effet de courbure. On avait le même effet lorsque on posait un capuchon opaque au sommet de la tige, parce qu'on aurait très bien pu se dire que c'est en coupant l'apex, eh ben, on tuait la plante en quelque sorte et que du coup elle ne pouvait pas s'orienter. Du coup, en mettant un couvercle opaque sur la tige, on a le même résultat. Si on met cette fois-ci un petit couvercle pas opaque, et donc que la lumière peut circuler, eh bien, la plante s'oriente vers la lumière, ce qui exclut l'hypothèse selon laquelle, je ne sais pas, mettre un couvercle sur une plante, ce serait trop lourd et que du coup, ça empêcherait la plante de se courber. Et dans une dernière expérience, il a recouvert de terre toute la tige jusqu'à quasiment le haut en ne laissant que l'apex, et dans ce cas-là, la plante est aussi capable de se courber. Donc ça montre bien, toutes ces expériences, que c'est bien le haut de la tige qui est nécessaire à une plante pour percevoir, entre guillemets, la lumière et pour s'orienter dans sa direction. Et est-ce que ça a été reproduit par Thomas Pesquet dans l'espace ? Alors, ça n'a pas été reproduit par Thomas Pesquet dans l'espace, mais par contre, il y a des expériences sur la perception de la lumière dans l'espace. Et ils ont pu montrer des phénomènes similaires dans l'espace. Alors, il y a beaucoup, je crois qu'il y a beaucoup en ce moment d'expériences de bioacoustique et tout ça. Donc, ils se rendent compte que les plantes peuvent croître vers une source de son également, et notamment les racines. Donc, il y a plein de phénomènes comme ça qui décortiquent à la fois sur Terre et dans l'espace. Et on se rend compte que les plantes sont capables de percevoir finalement pas mal de trucs. Alors, si on prend ce mécanisme, hein, finalement, on a la pointe de la tige, on a une source lumineuse, et donc cette pointe de tige est capable de percevoir le signal lumineux, de transmettre un signal au reste de la plante et de déclencher la courbure. Faisons un peu une analogie avec notre œil. Dans l'œil, notre rétine est tapissée de structures photoréceptrices, les cônes et les bâtonnets, qui sont chacun capables d'être excités par des photons de lumière de fréquences différentes. Lorsqu'ils sont excités, ils vont transmettre l'information au cerveau via les nerfs optiques. Ce dernier va interpréter l'ensemble des signaux pour reconstituer une image en couleur. Et en fonction de l'image perçue, on va amorcer un mouvement pour attraper un objet, se déplacer dans l'espace ou éviter quelque chose. Donc la vision fonctionne un peu sur le même principe que la perception de la bougie par la planche. On perçoit une information, on transduit un signal et ensuite il y a un résultat physiologique. On pourrait dire, en résumant, que les plantes voient, ou en tout cas, elles perçoivent. Et vous allez voir que, en plus de percevoir la lumière, elles ne perçoivent pas n'importe quelle lumière. Alors c'est un collègue de Darwin à la fin du 19e siècle qui s'appelle Jules von Sachs qui montrera que si on fait tout le spectre lumineux et qu'on essaye d'exposer les plantes à différentes ondes lumineuses, et ben c'est la lumière bleue plus spécifiquement qui va provoquer la courbure des plantules. Dans la même série, on sait depuis longtemps que la plupart des plantes ont une sensibilité à la durée du jour. C'est un phénomène qu'on appelle le photopériodisme. Alors le terme a été proposé en 1920 par deux Américains, Garner et Allard, parce qu'ils ont obtenu un mutant de plante tabac qui ne fleurissait que lorsque les jours se raccourcissaient en hiver, alors que les autres plants fleurissaient plutôt en jour long en été. Et en fait, ils se sont rendus compte lors d'expériences pour essayer de comprendre ce phénomène qu'il y avait plusieurs types de plantes. Des plantes qui étaient de jour long et qui fleurissaient plutôt lorsque les nuits étaient courtes, et des plantes de jour court qui, elles, fleurissaient plutôt lorsque les nuits étaient longues. Et ils se sont rendus compte aussi que si on imposait à une plante un seul flash lumineux au milieu de la nuit, eh bien ça suffisait à annuler les effets d'être soit dans une nuit longue, soit dans une nuit courte, et ça inversait en fait le phénomène de floraison. Donc si vous mettez un flash lumineux à une plante pendant une nuit longue, une plante de jour court qui était censée fleurir, bah, vous pouvez faire fleurir des plantes de jour long. Et c'est en comprenant tous ces mécanismes d'éclairage qu'on parvient désormais à faire fleurir n'importe quelle plante dans des conditions horticoles, dans des serres, à n'importe quelle saison. Il suffit de changer la durée du jour et surtout la durée de la nuit. Alors plus fort encore, si on compare les longueurs d'onde, on se rend compte que seule la lumière rouge parvient à inverser ce pattern de floraison. Et encore plus fort, si on expose les plantes à des flashs de lumière infrarouge consécutifs à la lumière rouge, eh bien on peut réinverser le phénomène autant de fois que l'on fait d'expositions successives rouge-infrarouge. Alors, ça c'est super intéressant parce que ça signifie que non seulement les plantes différencient la lumière bleue et la lumière rouge, hein, ce qui va impacter des processus physiologiques différents, mais qu'en plus elles sont capables de très subtilement faire la différence entre le rouge et l'infrarouge, chose que notre œil à nous n'est pas vraiment capable de faire. Et pour comprendre comment ça marche, c'est à l'échelle de la biologie moléculaire qu'il faut se rendre. Les plantes ont des protéines qu'on appelle les phytochromes qui sont capables de changer de conformation à la lumière. Du coup, dans son état inactivé, le phytochrome rouge, que les scientifiques appellent souvent PR en abrégé, est capable d'absorber du coup la lumière rouge et de passer dans un état entre guillemets activé, qu'ils annotent PFR pour phytochrome far red infrarouge. Dans cet état, il absorbe la lumière infrarouge et il est capable de repasser en conformation PR. Donc ça marche un peu comme un interrupteur moléculaire qui permettrait à la plante de faire changer la structure de sa protéine en fonction du type de lumière à disposition. Alors, c'est bien joli, mais en quoi c'est utile ? On sait que la lumière blanche du soleil contient toutes les longueurs d'onde possibles de la lumière, même si nous, on ne perçoit pas le spectre en entier. Et au cours d'une journée normale, eh bien, l'inclinaison du soleil par rapport à l'atmosphère fait qu'une plante peut recevoir à certaines périodes du jour plus de lumière rouge au début de la journée et plus de lumière infrarouge le soir venu. Et donc, le ratio de lumière rouge et de lumière infrarouge se modifie pendant la journée. Et c'est grâce à ces phytochromes qu'une plante perçoit que la nuit commence, par exemple. Et de ce changement de conformation de la protéine, des phytochromes, va découler une série de réactions chimiques et de signaux qui déboucheront sur des effets physiologiques. En plus de cela, on a vu dans les articles sur les pigments que la chlorophylle verte, par exemple, eh bien, elle absorbe la lumière rouge, mais pas la lumière infrarouge. Ce qui fait que une plante qui serait ombragée par une autre plante, sous la canopée d'une forêt tropicale, par exemple, elle recevrait un ratio d'infrarouge plus important, et donc elle sait, entre guillemets, si elle est à proximité d'autres plantes grâce à ses phytochromes, et de cela peut découler d'autres processus comme une élongation de la tige en compensation pour que la plante croisse un peu plus vite pour faire compétition aux autres plantes et aller vers la lumière. Dans une forêt tropicale, dans un environnement où on estime que seulement 9% de la lumière atteint le sol, eh bien, cette faible illumination fait qu'on a quelques adaptations morphologiques dans les plantes tropicales. Certaines plantes, comme le Begonia maculata par exemple, ont des feuilles assez sombres, parce qu'il y a une couche de chlorophylle qui est très condensée sur une seule couche, la seule couche qui peut recevoir de la lumière en fait, et elles sont souvent rouges au revers, ce qui leur permet de recapturer en partie les résidus de lumière rouge et bleue réémises et d'optimiser la consommation d'énergie lumineuse. Alors, est-ce qu'on peut faire, vu qu'on a des pigments qui permettent de percevoir la lumière, est-ce qu'on peut faire des plantes aveugles ? Eh bien, à partir des années 80, quand on a développé la biologie moléculaire, les scientifiques sont parvenus à obtenir des mutants de plants d'Arabidopsis qui ne se développaient pas normalement en croissant sous différentes illuminations. On sait désormais que chez les plantes, il y a au moins 5 types de photorécepteurs capables de détecter la couleur bleue seulement pour des processus différents, dont ce qu'on appelle les cryptochromes, ainsi que 5 phytochromes qui sont capables de détecter plutôt la couleur rouge. Et les seuls de ces photorécepteurs qui sont partagés entre les animaux et les plantes, ce sont les cryptochromes, et ils permettent la détection du bleu et accessoirement la régulation du rythme circadien. Et une mutation dans chacun de ces gènes codant pour l'un des photorécepteurs permettrait donc de faire des plantes diminuées dans leur capacité de perception de la lumière. Et ça, c'est relativement handicapant pour un organisme fixe qui ne peut pas se déplacer et dont le cycle de vie entier repose sur la lumière pour la photosynthèse et sur la perception des saisons pour ses cycles de reproduction. Donc on voit que si les plantes n'ont pas d'yeux, elles sont tout à fait capables de percevoir la lumière. D'ailleurs, si on fait le total du spectre de lumière qu'elles sont capables de percevoir, ça va de 750 à 300 nanomètres contre environ 700 et 400 nanomètres pour notre œil. En plus, elles peuvent le faire via chacune de leurs cellules, alors que nous, on peut le faire qu'avec nos yeux. Donc en résumé, et sans même avoir besoin de faire trop d'anthropomorphisme, on peut conclure en disant que ce n'est pas parce que les plantes sont vertes qu'elles ne sont pas capables de voir rouge. C'est chouette. Et je trouve... ça va, vous avez réussi à faire. C'était super, et je trouve que c'est vachement intéressant d'un point de vue... tu vois, quand on compare les différences plantes-animales et sur le fait que, tu vois, il y a cette espèce d'animalocentrisme ou de plant-blindness, comme tu en parles souvent, qui dit que finalement, seuls les animaux sont capables de sentir les choses, tout simplement parce que nous, on a le cerveau qui... Et puis, bon, plein d'espèces ont un cerveau ou des ganglions ou quelque chose qui traite un peu le signal, alors qu'en fait... chez les plantes, on a plein de senseurs en fait de l'environnement. C'est juste qu'on n'a pas nécessairement un centre groupé, un centre névralgique qui retraiterait tout en fait. Topo, t'allais dire un truc ? Exactement. Non, ça me fait penser que à mon avis, dans pas longtemps, on aura des idées d'organes peut-être présents chez les plantes et qui sont analogues à des yeux. Ça m'étonnerait pas. J'en avais parlé un moment sur un de mes billets dans lequel je voyais plusieurs organismes qui avaient une forme de vision, et il y avait même des organismes unicellulaires qui utilisaient des organites des sortes, en gros, des compartiments cellulaires pour pouvoir former des analogues de rétine, des analogues de cristallin, et donc une sorte d'œil dans un organisme unicellulaire qui est formé donc d'une seule cellule. Donc ça ne m'étonnerait pas que les plantes aussi, aient, chez certaines espèces, acquis cette adaptation-là, quoi. Bah en fait, tout dépend de ce que, à partir de quel moment tu définis qu'un œil est un œil, en fait. Est-ce qu'un œil, c'est vraiment un ensemble de plusieurs structures qui forment un super ensemble qu'on appelle un œil et qui est vraiment une structure optique super évoluée? Ou est-ce qu'avoir des pigments qui changent de conformation et qui sont capables de traduire le signal, c'est suffisant pour parler d'un œil? C'est pour ça que les définitions sont compliquées, et ça rejoint aussi du coup les définitions de l'intelligence. Tout organisme qui est capable de sentir un changement chimique, un changement de lumière, un changement de n'importe quoi, est-ce qu'on peut dire qu'il est intelligent ou pas? Ou est-ce que l'intelligence, ça commence à partir du moment où on a un cerveau, une conscience, et c'est là tout le débat. Exactement. Moi, pour la vision, je dirais qu'on fait vraiment la différence. Enfin, moi, l'impression que j'en ai, hein, c'est entre effectivement avoir une structure réellement adaptée à un endroit précis, tu vois, pour capter la lumière et traiter le message. Là, je pense qu'on parlera d'œil, vraiment. Et après, d'avoir des structures, des cellules sensorielles. Et je pense que c'est là que tu fais vraiment la distinction, quoi. Un œil, en fait, c'est un concentré de cellules sensorielles qui permettent de capter la lumière et de retraiter le signal derrière, alors que dans le cas d'une plante, par exemple, c'est plus des cellules sensorielles qui permettent de réagir à un environnement, en fait. Pour moi, c'est la distinction que tu fais entre organes sensoriels et un autre. Et sinon, je me demandais, tu disais que, est-ce que, je pense qu'on ne le sait pas nécessairement, mais est-ce qu'on sait si toutes les plantes captent les mêmes longueurs d'onde? Ou est-ce que, comme tu vois, pour les animaux, où finalement on a plein d'options différentes, est-ce que tu as des... Tu vois, des espèces de spécialisations. J'imagine que oui, intuitivement, ouais. Mais... J'ai pas les détails en tête, mais en fait, les adaptations dont je te parlais de plantes tropicales, par exemple, il y a des chloroplastes, donc c'est le compartiment qui permet d'absorber la lumière et de l'utiliser pour faire de l'énergie. En fait, il y a des structures de chloroplastes qui changent selon les types de végétaux. Et donc, des végétaux de sous-bois vont avoir des spécificités structurelles en plus de varier la quantité de pigments photosynthétiques qui vont leur permettre d'absorber certaines bandes de longueur d'onde plus que d'autres pour s'adapter à une faible luminosité plutôt qu'à une forte luminosité, par exemple. Donc, il y a des spectres différents qui sont absorbés. Alors, on reste sur le spectre du visible, hein, globalement, avec un peu d'infrarouge. C'est décalé en fonction du type de pigment utilisé par la plante et ça dépend de l'environnement. Il y avait deux petites questions sur les flashs lumineux dont tu as parlé, que tu as évoqué. C'est Kaou qui demande s'il y a une durée minimum de ces flashs. Est-ce que c'est une seconde de lumière suffit à perturber ce phénomène, enfin à entraîner le phénomène? C'est pas une seconde, c'est un peu plus, mais je crois que c'est de l'ordre de la minute par rapport aux heures de nuit, quoi. Donc c'est vraiment assez rapide. Il faut juste qu'il y ait assez d'énergie lumineuse du coup pour changer la protéine de conformation, et là c'est bon. Et du coup, si tu le refais dans l'autre sens, ça rechange, et ainsi de suite. Et donc, si tu le fais 10 fois de suite avec du rouge, de l'infrarouge, du rouge, de l'infrarouge, et bien c'est toujours la dernière exposition qui primera, et du coup, le résultat final dépendra de ta dernière exposition de lumière. D'accord. Voilà, et je ferai un billet avec les schémas du coup de ces expériences sur le blog du Plantoscope. Voilà, voilà. Eh ben, c'était dense comme émission, mais j'espère que ça vous a plu. Oui. Pour le quiz, alors du coup, on avait proposé aux auditeurs d'envoyer le prochain quiz sur notre adresse mail, podcastscience@gmail.com. Pour l'instant, on n'a pas eu sur les réseaux sociaux. Ou sur les réseaux sociaux. Et on proposait du coup de collecter vos questions et de choisir pour la dernière émission de juin. Comme ça, on a le temps de préparer la réponse sur l'été et vous aurez la réponse à la roue libre de septembre de la rentrée. Voilà. Sur ce, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on conclue l'émission ? point. J'ai pas préparé de citation pour cette fin d'émission. Ah, tiens, donc, bon, tant pis. Tant pis, voilà. On la mettra dans les notes d'émission. Si, moi j'en ai une. Ah, une couette. Par contre, c'est les années 80. Allez. Donc, bon, je sais pas. C'est la chanson En rouge et noir de Jeanne Masse. Eh ben, il faut chanter. Attends, merde. J'ai plus les paroles en fait. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur en échange d'une trêve de douceur. C'est magnifique. Ouais. Bravo. Ouais. Tu vois, les chansons des années 80, le truc, c'est que parfois, t'as pas besoin d'avoir une super voix strong et tout. Je suis trop jeune. Bam dans la gueule. Eh ben, on va conclure. Hein. On va conclure. Eh bien, carton rouge pour la chanson. Fin de partie. On arrive à la fin de ce long épisode rougeoyant. On espère qu'il vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de nous envoyer un petit mot ou de le partager. Et sinon, faites la même chose parce qu'on aime toujours avoir des retours pour faire encore mieux la prochaine fois. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, que servir la science soit votre joie.